de cette finale. Fini, c'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brille magnifique. Premier mot, ils sont champions de France. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous nous retrouvons pour l'épisode 29 de la saison 3 de Radio Sport & Chill. Alors aujourd'hui, on va pouvoir compter avec une équipe de classe, quoique un peu remaniée. Donc à ma droite avec Vincent et Romain. Salut les gars. Salut Yacine. Salut, grande forme. Ah ben j'imagine, je compte sur toi pour parler du cyclisme et on va parler... Et pas sur moi non. Bien sûr que si, sur le tennis, on va pouvoir en tout cas parler d'une actualité qui s'est révélée très riche ce week-end. À ma gauche, des habitués Dimitri et Paul, salut les gars. Salut Yacine. Benevento Yacine. Je ne commenterai pas sur... On part déjà sur les chapeaux de roue, je ne commenterai pas sur ce commentaire. alors pour l'actualité est très chargée, comme je le disais, ce week-end à la fois pour les sports montpelliérains et l'actualité sportive en général. On parlera notamment de foot, de rugby, évidemment des classiques pour le cyclisme, de l'actualité tennistique ou encore des playoffs de NBA. Joli programme. Un très joli programme et on continuera après avec un débat qui portera sur une question qui nous passionne depuis déjà quelques semaines, à savoir la France est-elle le pays le plus complet en matière de sport ? Entendre aussi compétitif évidemment, donc on essaiera d'en parler sous plusieurs volets, à la fois institutionnel, formatif ou encore des résultats. Et puis ensuite on évoquera les sports montpelliérains et puis Vincent enchaînera avec un quiz et à la fin on terminera avec le traditionnel agenda montpelliérain. Donc c'est parti pour les résultats de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Alors, une fois n'est pas coutume, comme vous voulez les gars, on peut commencer par le rugby ou par... Commençons par le rugby, le top 14 était en pause ce week-end, donc du coup c'est la Champions Cup qui a pris le relais, avec la victoire du Racing Métro, du Racing 92 face aux Irlandais du Munster, une victoire 27 à 22, avec une belle performance de la part des Racingmen. Je sais pas si Romain a vu le match ou si vous avez vu le match. J'ai aussi vu le match aussi, énormément. Les Racingmen ont plutôt dominé cette rencontre assez largement, ils ont après un peu déroulé à la fin, avec les Mustermen qui sont revenus, mais rien de d'inquiétant, avec notamment des performances assez XXL de Teddy Thomas par exemple, ou Jérémy Vakatawa, prétendant à l'équipe de France. Teddy Thomas a marqué deux essais, il me semble, non ? Marqué deux essais et a offert sur un plateau un essai à Maxime Machenot. Le local du coin, oui, pour histoire de fêter son retour c'est à Bordeaux. Face à son public, c'était symbolique, et Machenot d'ailleurs a apprécié le geste, il l'a dit en conférence de presse. Pour l'autre match, l'autre demi-finale, c'était le Leicester face aux Gallois de Scarlets. Leicester a gagné, donc ce sera une jolie finale à suivre entre le Racing 92 et le Leicester, qui... une finale pas si surprenante que ça, on aurait pu imaginer les Saracens, mais le Racing c'est du solide et le Leinster c'est évidemment une équipe très expérimentée et assez habituée à cette compétition-là. De ce qu'on a vu des phases de poule, juste pour réagir sur cette affiche de la finale, ça me semble relativement logique. Tu parlais des Saracens, mais les Saracens avaient montré quelques signes inquiétants contre l'AS Clermont-Auvergne, qu'on voyait d'ailleurs peut-être un peu plus fort, notamment lors de son quart de finale, quitte à avoir laissé le top 14 de côté cette saison. À l'inverse, le Racing assure tour après tour et commence à s'affirmer aussi d'année en année sur la scène européenne. Ils ont eu un petit peu de mal dans une première phase, mais ça fait plusieurs fois qu'ils sont capables de se hisser en demi et maintenant donc pour cette grande finale. Et le Leinster, certains ont sans doute eu l'occasion de voir ce match, ce fut mon cas à Montpellier contre le Leinster, c'est sans doute la grosse armada encore de cette Champions Cup, pour moi encore un cran au-dessus du Racing, mais l'Espagne leur avait réussi, j'y étais aussi au Camp Nou en top 14, qui sait, peut-être le premier titre européen du Racing. Ouais. Et d'ailleurs pour le Racing, ça enlève rien aussi, bon évidemment la défaite de Clermont était plutôt surprenante, en sachant qu'en plus ils avaient marché sur les pieds des Saracens aux Saracens, mais ça n'enlève rien au parcours assez formidable du Racing pour l'instant en Coupe d'Europe. Bien sûr, ils sont allés gagner à Clermont pour rappel, c'est une performance qui reste quand même solide malgré la saison assez compliquée de Clermont. Ils gagnent là face au Munster à Bordeaux, donc ils étaient délocalisés par justement un concert de Beyoncé à l'U Arena, on en parlait tout à l'heure. En fait c'est pas un concert du coup. c'est apparemment c'est une préparation au concert. Ah d'accord, ok. C'est même pas. Enfin, de ce que j'ai compris. Et c'est vrai que ça fait une belle finale face au Leinster. À noter aussi qu'il y avait 10 joueurs français titulaires sur la feuille de match du Racing. Ce qui tu peux le dire, on a longtemps critiqué le Racing à juste titre, à faire un recrutement avec Lorenzetti un petit peu comme Boudjelal à Toulon, puis comme Montpellier le fait aussi aujourd'hui, hein, faut le dire. Et ils ont fait des choix, alors qu'ils sont pas toujours ceux de la formation, mais en tout cas qui sont français, et ils ont beaucoup d'internationaux, et c'était le cas encore sur la feuille de match. Ouais. Et ceux-ci ont répondu présents avec une grosse performance, je trouve, sur le fait d'arriver à contrer vraiment efficacement ce jeu du Munster en première mi-temps, et en seconde mi-temps une énorme solidité défensive jusqu'à, bon voilà, craquer un petit peu sur la fin de match, mais bon, ils avaient fait tourner et le plus dur était déjà fait, je pense. Je pense qu'ils sont parce que le Racing il y a deux ans était en finale aussi, ils ont perdu juste contre les Saracens, et je pense qu'ils sont mieux armés cette année face au Leinster en finale, et je les imagine bien, en tout cas, bien embêter la province irlandaise. Donc, à voir. On peut penser toutefois quand même que le Leinster est meilleur que le Munster quand on pense que Toulon, en plus, peut nourrir de sérieux regrets de ne pas avoir gagné là-bas. En plus, sur un essai qu'ils ont concédé assez bêtement, qui venait sur une touche, je crois. Trendu qui trouve pas la touche, et puis Toussova qui monte mal. Et ce qu'il y a, c'est un boulevard à l'ailier. Alors qu'ils étaient qualifiés à Thomond Park, ils étaient en train de rompre une série d'invincibilités assez exceptionnelle pour le Munster. Toujours est-il que le Racing est en finale et pour l'instant est aussi toujours en lice pour le top 14, qui sera certainement barragiste, peut-être dans les deux premiers, mais il faudra jouer aussi la deuxième ou la première place avec le MHR et le Stade Toulousain. Oui. Tout à fait, le Stade Toulousain qui revient bien, et si Montpellier gagne ce week-end, ils sont assurés de disputer les demi-finales directement. Donc ça va se jouer entre le Toulouse et le Racing. Hormis le fait de jouer sur les deux tableaux, avant de te laisser réagir Vincent, le Racing sans doute aussi, de ce que j'en vois actuellement, l'équipe à battre en phase finale de championnat. Oui. D'accord, mais moi c'était juste une question. Quand est-ce qu'elle est la finale de Coupe d'Europe? C'est une bonne question, je crois que c'est le 12 mai. Le 12 mai? Ouais, voilà. Très bien. Merci. Et ça sera avant la fin de la phase régulière de championnat ou pas? Parce que ça peut peut-être changer pour le. Et le 5 c'est Lyon, donc c'est une semaine après la fin de la phase régulière. Ouais. Tu vois. Parce que du coup pour le Racing, il vaudrait mieux peut-être terminer deuxième, mais bon, faudrait pas qu'ils perdent trop de. C'est sûr qu'eux ils visent la deuxième place, c'est sûr, pour pouvoir se reposer, parce qu'ils enchaînent entre la Coupe d'Europe et. Ça ferait beaucoup avec un barrage. Montpellier par exemple a pu souffler ce week-end, se ressourcer. Le Racing lui a enchaîné. Au niveau du physique et de la fraîcheur, oui, le Racing a plutôt intérêt à finir second. Moi je pense que c'est surtout pas par rapport à Montpellier, mais peut-être par rapport à Toulouse, parce que je pense que c'est entre les deux que ça va se jouer la deuxième place, donc à voir. Très bien, donc tu voulais rajouter une dernière chose aussi, la Challenge Cup et la Pro E2. Voilà, justement, c'est pour ça que je voulais t'envoyer à continuer sur cette Challenge Cup, c'est la deuxième division, on peut dire, de Coupe d'Europe. Un peu comme l'Europa League pour les footballeurs. On peut faire la comparaison avec la fin de parcours pour Pau, qui était le seul rescapé français dans cette compétition. Donc Pau qui a une fin de saison assez compliquée, autant en top 14 qu'avec quand Challenge Cup, justement, avec cette élimination. Défaite 16 à 10 face aux Blues de Cardiff. Les Gallois rejoindront en finale les Anglais de Gloucester après leur victoire face aux Falcons de Newcastle. Donc voilà, malheureusement pour Pau, qui avait très bien commencé 2018 avec, je crois, 8 victoires d'affilée, et qui là est en train un peu de marquer le pas. Qui pourrait tout perdre, effectivement. Et qui pourrait tout perdre, du coup, ne pas se qualifier pour les phases finales de top 14. Et qui, du coup, et qui joueront d'ailleurs à Montpellier pour la prochaine journée de top 14. Donc ce qui enterrerait encore une fois leur chance de qualification au barrage. Les blessures de Stéphane Armitage, le capitaine, et de Colin Slade, qui est le maître à jouer de cette équipe. On peut aussi parler de Pro D2. Oui. Puisqu'il y avait eu les barrages d'accession aux demi-finales, où il restait encore un représentant héraulté, c'était Béziers, qui rêvait encore d'accession au top 14, pourquoi pas. Mais finalement, ils se sont inclinés 31-23 face à Mont-de-Marsan. Trop indisciplinés, les Biterrois y ont cru lorsqu'ils sont revenus à 2 points, 25-23 à un moment donné. Mais les Montois se sont nourris des fautes et de l'indiscipline biterroise pour prendre le dessus et s'imposer. Donc, fin de parcours pour les Rouges et Bleus, on y a cru. Moi, quand ils sont revenus à 25-23, je me suis dit pourquoi pas. Mais au final, les Montois se sont imposés. Et dans l'autre demi-finale, Grenoble a pris un classique un ancien classique du top 14. C'est ça. Entre Grenoble et Biarritz. C'est en Pro D2. Et c'est Grenoble qui a pris le dessus sur le BO, sur le Biarritz Olympique, 33-26. Match aussi accroché que. que celui entre Mont-de-Marsan et Béziers. Et du coup, ça nous fera des demi-finales pardon, entre Montauban et le FC Grenoble et USAP face à Mont-de-Marsan. Un ami d'ailleurs, face à Mont-de-Marsan, oui, d'ailleurs, qu'un ami me disait qu'il avait, même si USAP a joué sa demi-finale à Imagiral, il m'a dit qu'il avait peur justement du vainqueur entre de ce barrage-là, car c'était les deux seules équipes qui n'avaient pas battu en Pro D2. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, ça promet d'être intéressant. Mais je mets une pièce sur les deux équipes qui reçoivent donc Montauban et USAP. Ça me paraît plus indécis à la limite entre Montauban et Grenoble, mais Perpignan a fait une saison assez remarquable. Ils seront plus frais parce que Mont-de-Marsan va souffrir peut-être de ce match face à Béziers physiquement sur l'état de fraîcheur, donc on verra bien. C'est probable pour me reprendre juste que Vincent a un petit peu râlé lorsque j'ai dit un classique du top 14, un classique des années 2010. C'était voilà, Grenoble effectivement n'a pas la même assise historique que Colbiarritz Olympique. Concernant Béziers, tu fais bien de le souligner à l'occasion de ces barrages, une saison assez remarquable dont ils sont capables un petit peu, j'ai envie de dire une année sur deux, mais là c'était la bonne et ils sont passés pas loin avec ancien je pense aussi de l'USAP, Jérôme Porical, qui a fait une excellente saison. Et ils auraient pu faire mieux s'ils n'avaient pas eu un trou d'air en milieu de saison avec quelques défaites consécutives. Mais ça promet en tout cas pour Béziers. J'espère que l'année prochaine, ils feront une aussi belle performance que cette année. Et d'ailleurs, ça s'est joué, je crois, à un point près, effectivement, pour le recevoir en barrage. Et on sait l'importance, même si parfois il y a des performances réalisées à l'extérieur, de recevoir en barrage. Dernier mot. Moi, juste une petite question par rapport aux favoris. Est-ce que du coup Perpignan, par exemple, et Biarritz, ça semble bien replacé pour alors, monter? Alors, ça va être compliqué parce que Biarritz est éliminé. Pardon, je ne t'ai pas écouté. Perpignan, Montauban, Grenoble et Montauban, oui, pardon. Bah du coup Montauban c'est bien aussi parce que, enfin moi je me faisais une petite réflexion sur le top 14. C'est vrai qu'on a moins ces clubs historiques. Perpignan, Montauban, bah du coup Biarritz, Béziers, tout ça. Et ça serait bien qu'ils remontent. Enfin moi je trouve pour Il y a ce côté historique et traditionnel qui est aussi intéressant avec des équipes comme tu dis, comme Perpignan, Mont-de-Marsan ou encore Grenoble. Et Montauban. Et Montauban pour le coup, oui. Mais ça va vite dans le rugby aujourd'hui. Mais moi je vois bien l'USAP. C'est vrai que ça me paraissait étonnant de voir l'USAP en Pro D2. Et ça ferait du bien, je pense, pour le rugby aussi régional d'ailleurs, donc nous sommes dans la région Occitanie, de voir l'USAP remonter en top 14. Très bien, bon, on finit la parenthèse rugby, je me rajoute juste un dernier mot pour clôturer les barrages de Pro D2, à savoir que l'argument fraîcheur aussi primera, car quart de finale, demi, finale, et puis après poule barrage d'accession. Pour le perdant de la finale. Exactement, ce qui rajoute deux matchs en moyenne, et je crois deux semaines de décalage de préparation. Il me semblera que le deuxième de la finale, donc enfin le perdant de la finale, donc celui qui jouera contre le 13e du top 14. Exactement, et puis aura une semaine de retard aussi par rapport à la préparation, en sachant qu'il jouera la semaine d'avant, qui précède le barrage d'accession, il me semble. D'accord. Changement de formule, effectivement, qui ne va pas forcément dans le sens de privilégier les clubs de Pro. Exactement. On va vers une ligue fermée, clairement. J'imagine mal le 13e s'incliner face au perdant de la finale de Pro D2. Voilà. Mais sait-on jamais. Très bien. On verra. Donc on finit avec le rugby, donc on enchaîne sur le basket avec Dimitri. Donc pour la NBA, donc premier qualifié pour le second tour, c'est une sensation, les New Orleans Pelicans ont éliminé les Portland Blazers dans leur dernier match 131-123 avec un duo stratosphérique Anthony Davis et Drew Holiday qui ont cumulé à eux deux 88 points. Et c'est une victoire sans appel sur la série de 4-0. Ah oui, c'est points, d'accord. Ouais, je pense que c'est celle-ci la principale surprise. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dimitri. C'est pas le fait que New Orleans parvienne à se qualifier, mais c'est vraiment, on n'imaginait pas forcément un sweep contre l'équipe de Lillard de ces Portland Blazers qui, voilà, en tout cas, on voyait une série un petit peu plus serré que ce qu'on a vu, quoi. Mais franchement, il faut dire que Drew Holiday et Juan Jonondo, on va dire que les deux postes d'arrière ont été monumentales sur le plan défensif et que McCollum et Lillard ont été complètement éteints. Oui, ouais, c'est vrai. Et du coup, qui pour l'instant est le grand favori pour vous deux des deux conférences? Non, pour le moment, c'est toujours, on va dire, Golden State à l'ouest, oui. Et à l'est, c'est, on va dire, c'est encore un peu, on va dire, Cleveland, même si Cleveland est un peu chahuté pendant ses playoffs par Indiana, mais c'est ouais, bah Cleveland, ça reste ça reste l'équipe à battre parce qu'ils ont une grosse expérience, notamment sur ces playoffs où il faut arriver à gagner au moins 4 matchs. Donc c'est ça qui est assez compliqué, je pense, et qui risque de jouer. Après, effectivement, à l'Est, on voit que c'est serré. Pour le moment, sur les séries, on est à deux partout dans 3 d'entre elles, c'est ça ? 3 d'entre elles. Notamment Toronto-Washington, Cleveland-Indiana. Et oui. Boston-Milwaukee. Ouais. Et les Sixers continuent sur leur bonne série. Par contre, Philadelphie qui mène pour le moment 3-1 face à Miami. L'Est semble plus ouvert effectivement qu'à l'Ouest. Après, on imagine normalement, surtout s'ils parviennent finalement à se qualifier, Cleveland monter en puissance. Et puis bon, LeBron James pourrait faire la différence dans les grands matchs. Et les Spurs sont revenus à 3-1, je crois. Sont revenus à 3-1. Ouais, au moins, ils évitent le sweep. Mais je pense que le prochain match risque de leur être fatal. Je sais pas ce que t'en penses, Dimitri. Les Spurs, cette victoire, je pense que c'est pour Greg Popovich et pour sa femme, parce qu'il a perdu sa femme en début de semaine. Je crois que c'est un barreau d'honneur pour lui. C'est, on va dire, c'est l'équipe, la victoire du cœur, on va dire. Mm-hmm. Pour lui, je pense qu'ils l'ont fait, parce que le prochain match 5 est à Golden State. Et pendant la conférence de presse, on a senti les Warriors un peu, on va dire, sûrs de leur fait. Oui, effectivement, et par contre, à souligner sur ce match que j'ai vu hier soir, qui était un horaire, on pouvait le voir pour le coup, à 21h pour un match de NBA. Pour une fois, oui. Pour une fois, du très bon LaMarcus Aldridge, pas toujours très efficace dans la raquette, mais qui a mis des 3 points qui ont fait la différence, et puis l'éternel Manu Ginobili. Ah, El Manu. Incroyable, l'Argentin a 41 ans, voilà. Est-ce que vous pensez que Toronto a une chance face à éventuellement Cleveland? Ça sera compliqué. Déjà que Toronto, on va dire que c'est l'éternelle question. On va dire que à chaque fois ils font une bonne saison régulière, mais là on voit que Washington est revenu à 2 victoires partout. Donc on voit que peut-être que Washington a les moyens de les sortir. On se demande est-ce qu'ils ont le mental. Qu'ils avaient fini premier de la phase régulière. Alors que du coup, ils avaient fini premier de la phase régulière et Washington 8e. Washington est un faux 8e. Alors que Toronto, on sait que chaque année ils progressent en saison régulière, ils sont bons, ils progressent, mais quand les playoffs arrivent, on va dire que ça commence à... J'ai envie de dire que pour les rugbymen, c'est un peu comme souvent le MHR pour le moment, donc on espère d'ailleurs que à l'image de ce qu'on va souhaiter aux Canadiens aussi, ça se passe autrement cette année, et Toronto a vraiment du mal à passer le cut en playoff. Après, s'ils passent déjà ce tour-là, il y aura peut-être un petit déclic mental pour au moins aller chercher la finale de conférence, et à partir de là, tout ce qu'ils ont fini premier de la conférence Est, premier de cette conférence devant Boston, donc dominé assez longuement la saison d'ailleurs. Et oui, un peu une surprise, mais il n'y avait aucune équipe cette année qui dominait vraiment cette conférence. Non, la conférence Est, on va dire déjà Cleveland, il y a eu la trade de deadline entre janvier et février où il y a eu complètement un coup de balai de l'effectif. Et les Celtics, on va dire qu'il y a eu 2 blessures pour les Celtics. Gordon Hayward en début de saison et Kyrie Irving qui s'est blessé en fin de saison. Et Marcus Smart aussi qui est blessé. Vous avez bien vu les Celtics, il y a beaucoup de joueurs importants qui sont absents, et que les deux qui sont Jalen Brown et Jason Tatum font bien le taf, je trouve. Très bien. Ce qui explique finalement qu'on va avoir par contre une conférence Est extrêmement ouverte, et à l'image de ses premiers résultats où il va sans doute falloir beaucoup de matchs à chaque tour pour arriver à avoir les places des qualifiés jusqu'à cette finale. Je pense que dans la conférence Est, les confrontations Celtics, Bucks et Raptors, Wizards vont finir peut-être vers un match 7. Mm-hmm. Alors, je mettrais comme une pièce sur les Sixers qui mènent 3-1 sur, face au Miami Heat. Je pense que le facteur X, c'est Joel Embiid, qu'on annonce peut-être éventuellement future équipe de France. c'est qui est camerounais, effectivement. Camerounais, donc. Comment il s'appelle déjà ? Joel Embiid. Très bien. Bon, on clôt la parenthèse basket et on enchaîne avec Romain qui a pas mal de résultats sympas à nous donner en cyclisme. Cool. Les résultats cyclisme, effectivement, c'était la fin de la période des classiques. Ouais. Et là, je sais qu'en plus, j'ai un public passionné, intéressé comme moi par le cyclisme. On a eu l'occasion d'en parler il y a peu, d'ailleurs. Et donc, c'était les classiques ardennaises qui ont suivi nos chères Flandriennes. J'ai parlé la semaine dernière de l'Amstel Gold Race. On avait donc les deux classiques qui suivaient. À savoir que les classiques ardennaises se courent toutes en l'espace de 8 jours, avec la Flèche Wallonne mercredi et dimanche Liège-Bastogne-Liège. Si je peux juste t'interrompre, est-ce que tu savais qu'apparemment l'Amstel c'était pas considéré comme une ardennaise ? Est-ce que ce serait parce qu'elle se court justement aux Pays-Bas? Par contre, j'avais jamais lu cette info. Je sais pas. Apparemment, après, y a un débat. Effectivement, si on y réfléchit catégorie bien, du style des Ardennaises. Oui. Je pense. Je sais pas, c'est une certitude. Après, peut-être que c'est une question presque géographique parce que on sort peut-être des Ardennes en étant dans ces paysages. En attendant, il y a un débat. Mais moi, j'ai toujours appelé l'Amstel Ardennaise, mais apparemment, il y a un débat comme quoi. Est-ce qu'on lui donnerait donc la Flandrienne? Je sais pas. En tout cas, elle a toujours eu un prestige. Je savais pas que ça amènerait autant de débats, mais. Elle a toujours eu un prestige un peu inférieur, en tout cas. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune, ça a pu jouer. Et puis, il y a eu pas mal de changements sur son parcours d'année en année, jamais forcément satisfaisant. Mais par contre, moi, j'ai trouvé que ça a toujours été une course plaisante parce qu'extrêmement ouverte. Qui a d'ailleurs, cette année, sacré un coureur un peu à la surprise générale, mais qu'on risque de revoir. Je parle de Michael Valgren de la formation Astana lors des prochaines saisons dans ce type de course. Lui qui a déjà remporté aussi le Het Nieuwsblad, donc une classique flandrienne. Donc ce qui montre sa polyvalence cette année. Donc concernant les Ardennaises, venons-en au fait, la Flèche Wallonne et la Liège-Bastogne-Liège, et donc la semaine parfaite pour l'équipe belge de la Quick-Step sur ces terres, et voilà, qui est assurément la meilleure équipe de ce début de saison, personne je pense pourra dire le contraire, et puis surtout le sacre de Julien Alaphilippe. Paul nous avait annoncé une victoire française la semaine dernière lors de ces deux classiques à suivre, et c'est arrivé sur la Flèche Wallonne. Ouais. Presque avec Paul, nous on voyait plus ça sur Liège-Bastogne-Liège, enfin je sais pas ce que tu en penses, je crois qu'on en avait parlé, et puis finalement ça arrivait sur la Flèche Wallonne, mais effectivement qui correspond tout à fait aux qualités. On voyait Valverde tellement fort sur la Flèche Wallonne avec des pourcentages qui sont vraiment élevés, et surtout vu le début de saison de Valverde, mais Alaphilippe qui d'ailleurs ne savait pas qu'il avait gagné la classique. C'est ça que c'est Nibali. Voilà, au moment de franchir la ligne, il pensait que Nibali est arrivé avant. Il a ensuite hurlé de joie, évidemment. Mais Alaphilippe, je l'ai trouvé incroyable, tout simplement, dans cette ascension du mur de Huy, où Valverde, étonnamment, s'est montré très discret d'entrée, était dans les roues, n'a pas montré sa domination comme il était, notamment l'an dernier, et surtout lors de ses 5 victoires. On en discutait en direct, justement, avec les analyses toujours très pertinentes de Romain lors des discussions. C'est là qu'on voit que c'est un grand champion. Malgré sa forme moins étincelante qu'on le pensait, il a quand même fini second. Et Alaphilippe, lui, a donc levé les bras. Enfin, du coup, non, mais a remporté cette édition. A remporté cette édition. À noter, parce que je suis sûr en plus que Vincent va y venir, qu'un coureur a animé cette course comme il l'aura fait lors de toute la campagne des classiques. Il me dit que non, mais je ne le croirais pas si je n'en avais pas parlé. C'est Vincenzo Nibali, bien sûr, de l'équipe Bahrain Merida, qui a mis le feu, on peut le dire, dans cette Flèche Wallonne, qui, elle, justement, est souvent critiquée pour son côté stéréotypé, parce qu'effectivement le mur de Huy est tellement difficile qu'il faut être petit peu fou pour tenter des aventures avant, et puis il a animé les débats. Il y a un moment où l'écart était intéressant et a fait penser aux commentateurs et à moi-même qu'il y aurait une chance que finalement cette échappée de quelques coureurs, dont un très prestigieux, Vincenzo Nibali, aille au bout, et finalement il n'en fut rien. Ça a été un peu difficile pour Nibali après la côte de Chérave juste avant le mur de Huy. Il n'avait pas la fraîcheur nécessaire, mais justement un équipier par contre de Julien Alaphilippe est resté dans les roues jusqu'au bout. C'est le jeune allemand Maximilian Scharmann, qui est un petit jeune là qui monte aussi. Et puis à noter le rythme infernal aussi qu'a mis Jelle Van Endert pour la Lotto Soudal dans ce mur, lâchant d'ailleurs son leader Timo Hellens pour cette course, qui était pas vraiment ravi à l'issue de la course, mais en tout cas sans doute moins fort. Ça a été à peu près la même histoire du côté de Liège, et Julien Alaphilippe a montré vraiment qu'il était supérieur. Valverde a eu un premier temps de retard et revenu. On a pu croire un moment qu'il allait pouvoir reprendre le pas, mais comme je le disais à Paul, je pense aussi, et ça s'est senti lors de Liège-Bastogne-Liège, à la fois son équipe a été plus usée que les années précédentes, et donc Valverde a dû faire plus d'efforts dans cette course que ce qu'il devait faire habituellement, et je pense aussi qu'il était finalement presque prêt trop tôt cette année par rapport au classique. Mais si on compare, excuse-moi Vincent, si on compare à l'équipe Quick-Step, Valverde fait pas le poids, c'est sûr, et Movistar aussi. On voit les Quick-Step, ils ont été impressionnants avec Gilbert, Sarri qui a fait un gros travail, Alaphilippe, Terpstra, Terpstra encore pas trop sur les Ardennaises, et il m'en manque un. Bob Jungels, dont on va parler d'ailleurs, qui font un gros boulot devant. Et le jeune Henrik Maas aussi. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Alaphilippe à la fin. On sait que Valverde est supérieur, il faut faire en sorte qu'il fasse beaucoup de travail, qu'il fasse beaucoup d'efforts, et du coup pour ça il faut éliminer un par un ses coéquipiers, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire intelligemment, et au final ça a payé. Et on l'a rarement vu effectivement se découvrir autant aussi loin de l'arrivée. Vas-y Vincent. Oui, non, moi c'était juste pour rebondir sur Alaphilippe, mais parler plutôt de l'avenir. Je pense que vous avez bien parlé de la course. Moi je pense que ça va vraiment le débloquer. Il y tournait vraiment autour depuis 4 saisons maintenant. Enfin, il a fait 2 deuxièmes places, je crois, sur la flèche, c'est ça. L'année dernière, il ne l'avait pas faite. Et je pense que ça va vraiment le débloquer, que maintenant... La pression va redescendre, c'est sûr. La pression va redescendre, et on sait que ces courses, ce sont des courses où il faut avoir de l'expérience pour les gagner. Et il est encore très très jeune, Alaphilippe, il a 25 ans. Et il faut avoir beaucoup d'expérience, et je pense qu'une fois qu'il a débloqué son compteur, bon malheureusement ça n'a pas marché sur Liège, mais je pense que dans les années à venir on va vraiment le voir cartonner sur ses... Je pense qu'il a signé pour un moment, hein. Il n'y a que 25 ans comme tu dis, on voit que Valverde a 38 ans. Oui, il a vraiment signé pour un moment. On enchaîne avec les résultats. Et justement on enchaîne sur Liège-Bastogne-Liège où il a aussi réédité une belle performance, lui qui avait fait deuxième il y a quelques années derrière Alejandro Valverde. Il était plus fort encore pour moi. Et il était encore plus fort cette fois-ci, je pense aussi. À 25 ans, il fait quatrième de cette doyenne, remportée par son équipier, la surprise du chef. C'était pas un des favoris annoncés avant la course, Bob Jungels. Pas ça. Qui, tel son aîné Andy Schleck, il y a 9 ans, a réalisé la même attaque. Je sais que, mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas non plus le même type de coureur. Peut-être moins de folie, effectivement, dans ce que peut proposer Bob Jungels. Plus rouleur, par contre, qu'Andy Schleck, ce qui risque de lui permettre d'aller chercher, par contre, d'autres succès que ne pouvait pas avoir Andy Schleck. Et effectivement, il réalise la même attaque qu'Andy Schleck en 2009, qui avait remporté Liège-Bastogne-Liège, dans la côte de la Roche-aux-Faucons, au moment où tout le monde avait l'air assez exténué. Il garde l'avance nécessaire dans la côte de Saint-Nicolas qui suit, et derrière c'était déjà trop tard pour le groupe des favoris. Van Aert effectivement aura tenté un contre, Romain Bardet aussi, derrière Michael Woods et de l'équipe, la nouvelle équipe Education First, et Romain Bardet auront animé la fin de course pour aller chercher des places d'honneur, et effectivement on peut le souligner pour aller droit au but du classement de cette course, Romain Bardet 3ème, Julien Alaphilippe 4ème, et à signaler donc la belle perf et d'équipe aussi de Julien Alaphilippe, hein, qui a joué collectif cette fois-ci, qui avait l'air d'être plus fort dans ce groupe des favoris, alors que Alejandro Valverde a fini à peu près dans l'anonymat de ce groupe, bon, même s'il savait aussi qu'il n'avait plus rien à jouer, 13ème. Il n'a pas cherché à jouer le podium, effectivement. Et concernant donc Romain Bardet, 3ème place, lui aussi a à cœur cette classique, et il a montré de très belles choses. C'est son premier podium sur une classique de cette importance. On sait qu'en début de saison, il avait brillé sur les Strade Bianche, et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Il était vraiment ravi, et il l'a dit, et je pense qu'il a raison pour cette édition, que c'était la meilleure place possible qu'il pouvait faire. Tout à fait. Ouais, puis surtout pour Bardet, c'est bien parce qu'il aime cette classique. Il a pas fait moins bien que 15ème depuis sa première participation. Ouais. Et c'est vraiment bien parce que c'est une course qui lui correspond, bah, un peu comme Andy Schleck. En plus, il a un peu cette folie qui peut lui permettre. Mais je pense qu'il faut qu'il parte comme il l'a fait là, de loin. Oui, de loin. Parce qu'au sprint, on sait que c'est vraiment pas le plus rapide. Donc il faut qu'il vraiment étende sa chance, il faut qu'il ait une équipe peut-être plus solide qui roule avant pour sécuriser s'il y a des échappés ou quoi, et qu'ensuite il puisse partir de il a attaqué à quoi, 2,5 km. Oui, mais comme Andy Schleck avait fait par exemple en 2009, c'est un bon exemple, t'en as parlé, partir plus tôt, enfin dans la Roche-aux-Faucons ou oui, tout à fait, pourquoi pas. J'enchaîne parce que sinon on va déborder pour le reste, et on s'en sortira pas. Donc Valverde attendra pour égaler le record d'Eddy Merckx. Par contre, en bref, sur les autres courses de cette semaine, on va vers le Giro, prochain grand rendez-vous de l'année. Dans 2 semaines. Et il y avait un tour un petit peu plus dans l'anonymat. C'est le Tour des Alpes, anciennement Tour du 31, et qui a été remporté par un Français, c'est pour ça que j'en parle, Thibaut Pinot, qui sera sans doute la meilleure chance française du côté du Thibaut Giro, Pinot. Et qui encore a été assez impressionnant cette semaine. Et un tour dont on parle pas, mais tour qui est prestigieux pour la montagne, j'y viens, mais je parle de ce Tour des Alpes. Et donc il l'emporte devant Domenico Pozzovivo, Miguel Angel Lopez, et je donne la suite du classement parce que ce sont des noms d'importance. Il y avait Christopher Froome ou encore Fabio Aru qui font respectivement 4ème et 6ème de cette course. Excellente semaine pour l'équipe Astana qui remporte 3 des 6 étapes par 3 coureurs différents, Peyo Bilbao, Miguel Angel Lopez et Luis Leon Sanchez. Les deux dernières autres courses de la semaine, c'était le Tour de Croatie, si tu le dis, la victoire de Konstantin Sutsu qui succède à son coéquipier Vincenzo Nibali qui l'avait emporté dans cette course assez nouvelle au calendrier l'année dernière. Et là, c'est mon petit plaisir personnel, même si cette course est de faible importance. Ruben Plaza Molina remporte le tour de Castille et León, où j'étais en Erasmus pour ça, du côté d'Avila, Palencia, Salamanca et Valladolid, en remportant la dernière étape à Avila. Très bien, ben, on va enchaîner avec le tennis, Vincent, si tu as des résultats à nous donner sur le tournoi de Monte Carlo qui vient de se clôturer. Bah écoute, ça sera assez bref. Je pense qu'on l'a tous vu que Rafael Nadal avait gagné son 11e titre à Monte Carlo, voilà, face à Kei Nishikori. Un Monte Carlo classique pour Nadal, il a pas perdu un set. Pour les Français aussi. Oui. Il s'est baladé, oui, pour les Français, assez classique aussi. On peut quand même souligner la belle perf de Richard Gasquet qui fait quart de finale. Qui pour moi aurait pu gagner Zverev. Ouais, il aurait pu, puisque ça se joue à pas grand chose, 6-4 au 3ème, il me semble. Qu'a signé sa 500e victoire en. 8ème En 8ème, oui, sur le circuit ATP, voilà, je cherchais mes mots. Voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part si vous voulez rebondir. Il y a les fêtes des filles. Oui, enfin, j'allais revenir, mais par rapport à Monte Carlo. Effectivement, on a vu Nishikori aller faire une finale, mais comment dire, dans une édition où derrière Nadal il y avait peu de concurrents, peut-être, je pense. Un peu déçu par la prestation de Tim. Et un petit peu déçu. Hein, ouais. Je pensais qu'il pourrait faire mieux, après il revenait de blessure, non? Ouais, après, juste avant Dimitri, juste, Monte Carlo, c'est peut-être le tournoi qui réussit le mieux sur terre battue à Nadal, parce que c'est le premier, justement. Et lui, il a cette faculté d'adaptation qui fait que il va tout de suite être meilleur. Donc les niveaux vont se resserrer petit à petit. Mais c'est vrai que Monte Carlo, c'est toujours, ça lui réussit toujours, toujours plus vite. Gagner Monte Carlo, c'est pas gage de victoire à Roland Garros pour Nadal. C'est toujours bien pour la confiance, on sait qu'il n'a pas beaucoup joué, tout ça, mais voilà. Très bien, Dimitri. À noter quand même le retour de Novak Djokovic cette semaine, quand même. Et il est revenu? Oui, il est revenu. Il s'est fait sortir, je crois, en 8ème face à Tim. Ouais, il revient s'il veut. Il va à Barcelone, pardon, la semaine prochaine. Il y a son coach historique, Marianne Vaida, qui est revenu dans son box. Ça peut être une bonne chose pour lui par rapport à tout ce qui s'est passé. Après, voilà, je pense qu'il lui faudra du temps, ça va être compliqué pour Roland Garros. Il lui faudra l'envie et il lui faudra aussi le physique, que le physique tienne, parce que bon, le jeu, je pense que ça se perd pas, mais tout mélanger, ça fait les résultats. Ouais, il revient, mais bon, sachant que c'est un multiple vainqueur de Grand Chelem, voilà, on a du mal à dire qu'il revient lorsqu'il fait un 8ème. Après, c'est en ça. Soi, au vu de ce qu'il nous a montré ces derniers temps, c'est une performance. Allez, oui, on va dire un mot qu'on disait souvent, encourageante. Oui, bien, non, mais c'est une performance honorable, mais après, de là, le voir triompher à Roland Garros, on en est loin. On enchaîne avec quelques derniers résultats. Donc, et la Fed Cup, du coup. Très bien. Vas-y. Et la Fed Cup, donc du coup, puisque Paul, vous voulez en parler. Bah, non, la vous ne voulez pas parler des défaites. Bah, non, mais la France est éliminée assez logiquement, je pense, par les États-Unis. Voilà, elles ont un réservoir top. Enfin, là, quand on voit que leur Serena et Vénus n'étaient pas là, elles arrivent quand même à mettre. Avec Swan Stephens, c'est Madison Keys, Coco Van de Veeg, qui est 16e mondial. Voilà, et donc les États-Unis qui affronteront en finale la République tchèque, encore une fois la République tchèque. Une finale logique. Voilà, qui ont battu les Allemandes. Et, voilà. Grosse émotion d'ailleurs pour le dernier match de Noah avec les féminines. Oui. En conférence de presse, on a vu certaines joueuses lâcher quelques larmes, être émues par la fin de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France. Je pense qu'elle voulait lui offrir un titre en Fed Cup et donc il y avait beaucoup d'émotions. Ouais, je pense pour ça, il faut que Mladenovic gagne ses matchs. Quoi. Oui. Donc pour l'instant, oui, comme je le disais, c'est une fille. Elle a gagné son match, le premier. Ouais, elle a gagné le premier. Enfin, elle est menée. Bon, après, oui, elle prend 6-0, certes. Et peut-être que Pauline Parmentier, pour le dernier match, était un peu faiblard, quoi, encore. Et ouais, c'est donc une finale des plus. Oh, belle. Il faut qu'elle s'excuse à Caro Garcia. Donc une finale des plus logiques, comme je le disais, qui opposera le tenant du titre à la nation la plus titrée depuis le début des années 2010, hein, à savoir la République tchèque. Donc voilà. Donc qui est aussi un sacré réservoir. Le rang féminin est respecté, en tout cas en ce qui concerne les sélections. Donc pour clôturer, on va finir avec quelques résultats de foot et de hand. Alors je vais essayer d'être rapide, vu qu'on a accumulé un peu de retard. Alors pour le football français, se déroulaient les demi-finales de Coupe de France en milieu de semaine dernière, donc avec la finale qui opposait les Petits Poussés et les Herbiers face à Chambly. Alors les Herbiers ont battu Chambly 2-0 au stade de la Beaujoire. Donc, une belle fête pour les Vendéens. Une très belle fête et les Herbiers qui affronteront l'ogre, le monstre Paris qui s'est imposé à Caen sur le score de 3 buts à 1. Donc ça, on peut penser que Paris a déjà la Coupe de France en poche. Ouais, c'était sans doute le dernier palier. Hein. Oui. Après, bon, ça fait un peu railler d'entendre Thomas Meunier dire qu'il fallait que ce soit plié en 20 minutes. Mais bon, malheureusement, il a sans doute pas tort. Il y a vraiment un écart abyssal entre ces deux équipes. Faut le dire. Après, j'espère que les Herbiers vont arriver à tenir un moment, ne serait-ce que pour faire rêver et qu'on voit toujours un peu cette magie de la coupe et qu'on n'ait pas une finale justement qui dure trop peu de temps. Ouais. Juste une question, c'est combien la cote des Herbiers pour cette finale? Je suis curieux de voir, mais elle pourrait largement dépasser les 10. Je pense. Pour poser un petit euro quand même. Oui, je pense. Oui. Donc toujours pour le football français. C'est un bel événement pour eux. En effet, en tout cas très content pour eux. Encore une fois, c'est la magie de la coupe qui opère et là face à une adversité qui s'avère insurmontable, mais bon, on peut pas choisir ses adversaires. C'est que du bonheur pour eux et là ils vont en profiter à fond, je pense. Oui. Pouvoir jouer contre le PSG, c'est ce que disait le président, c'est qu'une opportunité et il faut en profiter à fond. Oui, c'est ça, tout à fait. Il va pas falloir qu'ils en prennent trop, parce que sinon, après, c'est ça le problème, c'est s'ils en prennent 7 ou 8, ça va pas être rigolo quoi. Après, suivant le score, ils peuvent rentrer dans l'histoire de la Coupe de France aussi, tu vois, pour une finale historique. Je pense qu'ils y sont déjà. Oui, oui. Non, mais je pense qu'il vaudrait mieux effectivement éviter. Après, l'essentiel pour eux, c'est que ce soit une belle fête et ils vont jouer un match exceptionnel pour des joueurs qui ne sont que des amateurs. Très bien, donc on continue avec les résultats de Ligue 1. Alors, le derby de l'Atlantique, ou en tout cas le derby breton, qui se déroule entre Nantes et Rennes vendredi, c'est soldé par un match nul un partout. Tant mieux pour Montpellier. Tant mieux pour Montpellier. On en reparlera après, mais finalement, c'était pas si évident que ça quand on a vu leur défaite. Victoire de Lyon la même journée à Dijon, 5 buts à 2. Aussi, grosse victoire de l'OM face à Lille, 5 buts à 1. On a eu des buts. Oui, beaucoup de buts. Faut pas de Monaco à Guingamp, défaite 3 buts à 1. Donc, on reparlera de la défaite de Montpellier à Nice. Et hier, pour clôturer la journée, victoire de Paris à Bordeaux, 1-0 avec un but de Lo Celso. Ce qui fait qu'au classement, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais profitent du faux pas de Monaco. Qui a pris 10 buts en 2 matchs. Monaco avec 70 points. Alors, bien évidemment, Paris, très large leader et déjà champion avec 90 points. Lyon, donc, recolle à 1 point de Monaco, 69. Marseille a le même nombre de points que Lyon, également 69. Et Nice, qui a profité du faux pas de Montpellier, s'immisce à la 5e place avec 50 points. Donc, la question que je voulais poser, et ça enchaînera aussi avec la Ligue 2 que je voulais évoquer aussi. Alors, Lille, ça va très mal, qui a encore une fois perdu à Marseille 5 buts à 1. Et le danger de la rétrocession se rapproche de plus en plus. Il ne reste plus que 4 journées. Et... Moi, j'ai du mal à imaginer Lille en Pro D2. En Pro D2, ça c'est le rugby qui parle. En Ligue 2, pardon. En Dominos Ligue 2. En Dominos Ligue 2. En Dominos Ligue 2, oui. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun signe d'encouragement. Pour l'instant, on ne voit pas d'amélioration dans le jeu. On ne voit pas forcément d'envie. Après, l'OM est en forme, oui. Mais de là à couler comme ça au Vélodrome, je trouve ça inquiétant pour la suite. Il n'y a rien de positif dans cette défaite. J'imagine mal la suite pour eux. Après, à côté de ça, c'est pas cette défaite-là que je retiens le plus. C'est surtout les matchs où ils étaient pas loin de l'emporter. Ils ont souvent mené au score avant de se faire rattraper cette saison et de perdre des points. Passer vraiment de 3 points à n'en prendre qu'aucun, tout simplement. Longtemps, je voyais le LOSC finir 18e, ce qui était déjà bien triste pour un club comme celui-ci et son projet. Et éventuellement arriver à se sauver dans un match justement contre le barragiste de Ligue 2, tu pourras enchaîner dessus comme ça. Et finalement, pour le moment, ils sont collés à cette 19e place, après 3 encore perdus. C'est une affaire à suivre, mais en tout cas, moi, je les vois pas maintenant, effectivement, finir 16 ou 17e. J'ai vraiment l'impression qu'ils seront soit barragistes, soit relégués directement. Et c'est un sacré choc, quand même, cette saison. Il faut savoir, oui, que Toulouse est donc le premier non relégable avec 4 points d'avance pardon, sur 3 et Lille, qui ont le même nombre de points, à savoir 29. Metz, bon dernier, avec 26. Donc 4 points d'écart, est-ce que ça sera difficile à colmater quand on voit le calendrier de Lille? Il me semble qu'il leur est plutôt favorable. Ils vont jouer Metz, ils vont jouer Dijon. Il faudra capitaliser. J'imagine mal en Ligue 2, j'allais redire pour les deux. Mais la place de barragiste, qu'ils vont aller chercher la place de barragiste. Je pense aussi au final. Je pense, oui. Donc très bien, on enchaîne avec la Ligue 2 du coup. Reims a été sacré champion avec la victoire face à Ajaccio 1-0, donc 78 points pour Reims. Il leur dit merci. Et Nîmes leur dit merci. Les Crocos qui ont partagé les points à Bourg-en-Bresse de but partout et qui restent deuxième avec 65 points. Ajaccio, comme je l'ai déjà évoqué, troisième avec 63 points. Suivent Clermont 58, Châteauroux 57 et Lorient 56. Donc la place pour l'instant de troisième ou même de second, elle est encore loin d'être jouée. Quel serait pour vous le favori à la promotion avec Reims? Le favori, jusqu'à présent, c'était Nîmes. Oui. Surtout sur ce qu'il montrait offensivement avec l'attaque Alioui et Bozok qui est... Bozok n'était pas là ce week-end et il leur a manqué. Ouais, qui est le duo d'attaque le 14 plus buts pour prolifique Alioui, hein, de la Ligue 2. Pour, ou 23 pour Bozok. Après voilà, même sans Bozok, ça met deux buts. Ce qui est inquiétant en ce moment, c'est qu'ils ne perdent pas, mais ils font un peu de surplace. Ils prennent un point à chaque match, donc ça stagne un petit peu. Il y a un match important contre Lorient demain soir, qui fixera vraiment la tendance parce que Lorient, c'est aussi un des poursuivants derrière. Mmh. Et puis si Ajaccio a perdu à Reims, Ajaccio montre des belles choses en ce moment. Donc sur la dynamique actuelle, ce serait plus Ajaccio qui serait bien parti pour la deuxième place et Nîmes qui se retrouverait à jouer éventuellement le barrage. Mais sur ce que Nîmes a montré depuis le début de la saison, je trouve que Nîmes serait plus méritant et que ce serait quand même vraiment dommage pour eux. Ils laisseraient passer une forte opportunité, donc il faut vraiment qu'ils resserrent les rangs et que sur ces prochains matchs, ils aillent chercher les points qui leur manquent pour conserver cette deuxième place, parce que par contre, ils ont toujours... une avance, mais une avance qui est maintenant infime sur la CH Action. Oui, un point d'avance, oui. Je crois, ou deux points d'avance. Moi, je trouve qu'en tout cas, il serait bien. Il y a quand même quelques équipes qui tournent autour, en tout cas pour la promotion en Ligue 2 depuis quelques années, à savoir Clermont et Nîmes. Il serait bien qu'ils soient enfin récompensés. Et j'espère surtout Nîmes, je pense que Nîmes finira dans deuxième ou troisième. Mais j'espère qu'ils finiront deuxième pour leur éviter un barrage, justement, face au 18e de Ligue 1, donc peut-être Lille. Parce que ce serait un gros risque, effectivement. Ce serait un risque, ouais. Et à côté de ça, vu ce qu'ils nous ont montré, tu fais bien de le dire aussi, sur les dernières saisons, ils montent à chaque fois un cran, 5e, 4e, 3e. Voilà, là, il faut aller la chercher, cette deuxième place. Oui. Et ils ont les joueurs pour le faire. Il ne faut plus perdre de points maintenant. Très bien. Donc, je finis rapidement les résultats foot étrangers. Mercredi dernier, Real Madrid, Athletic Bilbao, un partout. Ça, c'était pour le gros match de la journée de Liga. Les demi-finales de FA Cup ce week-end avec la qualification en finale de Manchester United qui bat Tottenham 2-1 et de Chelsea face à Southampton 2-0 avec un but messiesque, maradonesque de Giroud. Donc une finale classique de cup entre Manchester et Chelsea qui se jouera au mois de mai. Pas de gros match non plus, hormis la finale de coupe qui s'est déroulée aussi samedi, ce week-end samedi, entre le Barça et Séville. Ah bon, il y avait une finale de coupe Barça-Séville, oui. Ah bon, je pensais pas, parce que ce que j'ai vu, surtout Steven Nzonzi... Oui, voilà, donc on aura dernier match certainement d'Iniesta en Coupe du Roi, et peut-être les derniers matchs aussi à venir en Liga de la part d'Iniesta. Donc victoire du Barça 5-1. 5-0, pardon, oui. J'avais vu un but imaginaire pour Séville. Ils aimeraient bien, peut-être. Tout à fait. Donc Iniesta qui part sur la plus belle, qui je crois qu'il remporte sa 4e Coupe du Roi ou sa 3e, donc c'est remarquable. Quelqu'un qui a été célébré par toute la presse espagnole, qui a été unanime tant du côté de Madrid que de Barcelone. Respecté partout en Espagne. Très bien, absolument. Et donc le gros match aussi, il y avait un gros match ce week-end, c'était en Italie entre la Juve et Napoli. Victoire du Napoli à la dernière seconde, ou à la dernière minute, pardon, sur la pelouse de Turin. But de Kalidou Koulibaly. Sélectionnable par Didier Deschamps, hein, comme chacun sait. Donc le Napoli qui recolle à un point, 84 points, et la Juve 85, et très rapidement aussi, pour dire que le vent est plutôt favorable au Napoli, qui, entre guillemets, ne jouera de gros matchs qu'à la Sampdoria, tandis que la Juve jouera à l'Inter et à la Roma. Donc là, vraiment plus que jamais, le titre est possible pour le Napoli, et quelque part, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, car le... On va dire que peut-être la domination de la Juve pourrait s'arrêter cette année. C'est à l'extérieur pour la Juve? Les deux matchs, oui, à Milan et à Rome. Je n'ai pas vu ça, mais là, d'un coup, tu me remets la dynamique. Effectivement, c'est intéressant. Il y avait d'ailleurs des scènes de liesse à Naples. Ah oui, ils étaient 10 000 à l'aéroport de Naples à les accueillir à leur retour de Turin. Ils voient bien le championnat italien, quand même. J'essaie. Je suis un peu le VRP de la Serie A, donc... On ne parlera pas de Benevento, mais... On ne parlera pas de ça. Donc, on enchaîne rapidement avec le handball pour aboutir au Sport Montpellier 1. Donc, ce week-end se jouait la Coupe d'Europe de handball de la Ligue des Champions. Qui s'incline face à Paris 28-34. Donc, Paris qui qui s'assure une très fortes chances de se qualifier pour le Final Four avec un retour à Coubertin. Victoire de Nantes face à Skierne 33-27. Ça aussi, belle performance. Très belle performance. Et bon, après, il faut aussi se méfier du retour à Skierne en sachant que Skierne a réussi l'exploit d'éliminer Veszprém au tour précédent. Victoire du Vardar à Kiel 29-28. Et on parlera aussi de Montpellier, nul de Montpellier à Flensbourg 28-28. Et le retour se jouera dimanche prochain à l'Arena. Donc on va enchaîner rapidement avec les résultats Montpellier 1. Jingles pour Montpellier 1. Sport and Chill, le sport Montpellier 1. Donc, on va continuer toujours sur le handball avec les résultats du MHB. Le MHB qui, comme je le disais, a fait nul à Flensbourg en milieu de semaine 28 partout. Un énorme match de Ludovic Fabregas et de Vincent Gérard qui a eu à son compte 15 arrêts. Bon, pour l'instant, est-ce que vous pensez que Montpellier est en ballotage favorable pour la qualification ? Carrément, aller faire un match nul à l'extérieur pour le premier match, et avoir le retour à Montpellier, c'est carrément une super opération. Après, quand on regarde la physionomie du match, on se dit que finalement c'est pas cher payé le match nul et qu'on aurait carrément pu le gagner. Mais on est en très très bonne place pour se qualifier pour le Final Four. Je sais pas, ça donne quoi Flensbourg Ils doivent être troisième ou quatrième. D'accord. Moi, ils sont. C'est pas leur meilleure saison de ce que j'avais vu. Donc. Ils arrivent quand même à se qualifier en quart de finale, donc il faudra se méfier évidemment. Mais Montpellier, ouais, est favori pour ce match. Ouais. Après, sur le papier. En plus des joueurs qui sont en forme, notamment les jeunes. Favori, je sais pas, parce que sur le papier, quand même, Flensbourg a une très bonne équipe. Ils sont champions d'Europe il y a 3 ans, ouais. Un truc comme ça, il me semble. Mais on a l'impression que vraiment. J'ai un peu me jeter des fleurs, mais le coup de cœur que j'avais fait à Patrice Canaillé la dernière fois, on voit vraiment que c'est. Voilà, qu'il y a vraiment une magie dans cette équipe. Personne ne nous voyait éliminer le Barça, finalement on est là. On pensait que ça allait être très dur face à Flensbourg, finalement on va chercher un match nul là-bas. Enfin, je sais pas si vous aviez parié ça. Il y a une mentalité de vainqueur, en tout cas je trouve, dans cette compétition-là, qu'on retrouve un peu moins ces derniers temps en Lidl Star League. Mais je trouve qu'en Rush Cup, les joueurs ont tendance à encore plus se surpasser, comme si vraiment il y avait un supplément d'âme. Il y a un ADN peut-être pour les employés. Ouais. Et je pense que c'est ce supplément d'âme, cet ADN, comme tu dis, qui peut leur permettre de se qualifier en demi-finale et pourquoi pas aller plus loin après. Mais on te sent très rugby pro des deux, Rush Cup. Ouais. J'ai encore dit Rush Cup. Ouais. Tu as dit Rush Cup. Mais pour revenir sur Montpellier, on peut le dire, c'est vraiment un beau coup qu'ils ont fait à l'extérieur. Je les voyais pas forcément ramener ce match nul et qui est très important. Après, on sait que ce sera donc la Sud de France Arena qui sera. Moi, ça m'inquiète un peu ça. Qui sera le lieu de ce quart de finale retour, qui parfois nous a réussi, parfois nous a fait défaut. On sait qu'on n'a pas la même régularité qu'à Bougnol. Après, on est sur une vraie bonne dynamique dans cette Ligue des Champions. On fait un parcours assez incroyable, donc ce serait une déception très forte pour les joueurs de s'arrêter à ce stade-là de la compétition, surtout après ce beau résultat. Et on a vraiment les cartes en main et les joueurs, potentiel pour aller chercher un Final Four qui pourrait être exceptionnel avec trois clubs français. Avec la profondeur de banc. Mais surtout, par rapport à ce Final Four, moi, à part, ça va un peu vous faire rire, mais à part le Vardar, et encore on sait que c'est un match, ça va être un match sec, on a une réelle chance. Oui. On a une réelle chance, parce que, alors vous allez me dire oui à Paris, mais je pense que Paris, s'ils veulent éviter quelqu'un à tout prix, c'est nous. Oui. Parce qu'ils savent en plus sur un match sec que chaque année on les bat, il y a des années où on les bat deux fois, il y a même une année où on les a battus trois fois depuis leur fameux projet. Montpellier s'est joué face à Paris, ouais. Et c'est pas le comble de l'inverse malheureusement. Voilà. D'ailleurs, il y a un tirage particulier pour ces demi ou... Non, il me semble qu'il y a pas de. Ça se fait pas par rapport au premier de groupe ou par rapport à ceux qui ont reçu en quart de finale retour. Je pense que c'est un tirage au sort intégral. Ouais, c'est un tirage au sort. Donc là, vraiment, toutes les cartes sont sur la table. Moi, je pense personnellement que. Je vais peut-être pousser encore le bouchon un peu loin, mais je préfère affronter Paris que Nantes, par exemple, demi-finale sur un match sec. Oui, parce que je pense que ils auront la trouille, les mecs. Hein. Ouais, je pense que face à Paris, on a vraiment rien à jouer. Et en plus, potentiellement, même si on se fait sortir, il y aura rien de honteux face à une équipe qui a été bâtie justement à savoir Paris pour gagner ce genre de compétition. Le seul fait d'être en demi-finale est une énorme performance pour Montpellier qui en plus il faut bien le rappeler reste premier du championnat. Je parlais de supplément d'âme pour la Coupe d'Europe. Je pense qu'il y en aura encore plus si en plus je joue contre Paris, parce que contre Paris à chaque fois on arrive à les concasser et donc ça ferait beaucoup beaucoup de choses pour pouvoir, enfin, pour pouvoir s'imposer. En fait, l'idéal. Il faut gagner d'abord contre Flensburg, évidemment. Voilà, l'idéal. C'est ce que j'allais dire. Attention, les gars, bien sûr, on va essayer de passer le quart de finale. Déjà. C'est ça. Et puis après, voilà, justement, on va enchaîner avec le derby qui s'est déroulé hier à la Perkins Suite Arena face à Nîmes. Nous y étions. Victoire 33-30 face à Nîmes. Donc le même score que de la victoire de Montpellier face à Paris décembre dernier. On y était aux deux. Donc, victoire 33-30 avec une très très très très belle partie du côté nîmois de Elohim Prandi qui a mis 8 buts. Qu'avait le numéro 34, c'est quand même. Quel numéro 34. Il va falloir inverser celui-là. Même ratio que Melvin Richardson qui a décidé de la partie en rentrant car Nîmes a longtemps recollé au score et s'est longtemps montré dangereux avec une expulsion à 10 minutes de la fin de Nicolas Portner sur une sortie hasardeuse. Ouais. Bon, on ne fera pas de cadeau. Les questions d'arbitrage, après, on peut toujours discuter de la question d'arbitrage, mais il paraît qu'au ralenti, l'expulsion était justifiée. Bon, moi, j'ai pas encore revu l'action qui a entraîné l'expulsion de Portner, mais il paraît qu'elle était justifiée. D'accord. Donc, victoire 33-30. Les autres résultats, Saint-Raphaël qui partage les points face à Sarah en 27 partout, ou encore Nantes qui bat Tremblay 36-31. Donc, Montpellier avec 37 points qui reste devant Paris qui est deuxième avec 35 points. Donc on enchaîne rapidement avec les autres résultats de Montpellier. Chez le MHSC féminin, match nul des Vierges à Bordeaux 0 partout. Montpellier qui reste troisième au classement avec 44 points derrière Lyon et Paris. Paris qui n'est qu'à 2 points de Montpellier alors que Lyon est assez largement devant avec 54 points. Le prochain match pour Montpellier sera à Lyon justement pour le compte de la demi-finale de Coupe de France. J'y pense d'ailleurs, le hasard des choses a fait que hier j'étais au match des Nîmoises en deuxième division et qui ont perdu 4-2 contre Toulouse et score assez logique, mais tout ça pour dire que Nîmes y était il y a peu de temps en Ligue 1 féminine aussi avec Montpellier et descend de plus en plus bas, sachant qu'elles sont proches pour le coup d'une relégation en 3ème division. Je sais pas forcément comment ça fonctionne, mais en tout cas elles sont dernières de cette Ligue 2 féminine, donc en grande difficulté, mais bon, c'était sympathique de voir du foot féminin, alors je le signale. Voilà. Non, mais il faut quand même raconter la scène qui est en train de se passer là dans ce studio. on garde ça pour nous. Il y a des secrets qui restent en plateau. Alors par rapport au MHSC masculin, victoire de Nice face à Montpellier 1-0, but de Lesmelou à l'heure de jeu, une première mi-temps qui était assez équilibrée avec plusieurs arrêts de Lecomte, avec deux occasions franches pour Sio qui n'a pas su les concrétiser, mais succès mérité pour le Gym qui a été l'équipe la plus entreprenante avec Montpellier offensivement c'est pauvre. Hein. Oui, avec une dernière demi-heure où Montpellier était mené à l'heure de jeu qui n'a pas une seule fois cadré de frappe dans la dernière demi-heure et Benitez n'a eu aucun travail à faire dans les cages. Donc Montpellier encore une fois face à ses lacunes offensives qui laisse logiquement la cinquième place à Nice et qui potentiellement pourrait même voir Saint-Etienne consolider. Égalité, je crois. Je crois qu'ils sont égalités. Même Saint-Etienne est sixième, je crois. Avec 49 points. Avec 49 points. Et justement, le prochain match, ça sera Montpellier-Saint-Etienne vendredi à la Mousson. Il sera déterminant et il faut gagner. Donc voilà, pour Montpellier, pas terrible. Alors toujours solide défensivement, mais pas terrible offensivement. Et justement, ça se paye comptant face à des équipes qui sont plus Roussillon, tu n'as plus Aguilar. C'est ça. Jusqu'à la fin de saison. Oui. Aguilar, c'est 3 semaines. Donc ça s'annonce compliqué pour Montpellier à la fin parce que tu as tes deux meilleurs atouts offensifs. C'est ça, sont des latéraux qui étaient importants dans donc l'assise défensive, mais qui étaient aussi présents dans ce système de jeu, ce qui apportait le plus aussi offensivement pour donner des bons ballons justement aux attaquants, souvent trop irréguliers. J'ai une question par rapport très rapide. Le Oyongo, qu'est-ce qu'il devient Alors lui, il était recruté... Il prenait de Montréal, je crois. Voilà, ils anticipaient la saison prochaine. Ils anticipaient Roussillon, le départ de Roussillon. Il est arrivé apparemment en méforme totale. Donc je pense qu'il va falloir un peu de temps avant de le voir sur le terrain. Il faudra voir même la saison prochaine, en août. Parce que justement, offensivement, physiquement, il n'est pas prêt encore. Très bien, on enchaîne avec rapidement le futsal. Alors défaite cruelle du MMF au Sporting Paris, 4 buts à 3. Belle entame des Montpellierains qui menaient 2-1 à la mi-temps avec des buts de Sadawi et de Wadi avant de se relâcher et de s'incliner 4-3. El Wadi avait permis à l'équipe d'égaliser à 3 partout et Montpellier tenait la victoire avec un pénalty de la Gagne qui a été raté et donc Facundo Schusterman marque le dernier but pour le Sporting Paris. Donc défaite cruelle pour Montpellier à Paris 4-3. Montpellier qui reste 9e du classement devant Bastia, Toulouse et Béthune devant Bastia, Toulouse, Béthune et Picasso le club de Picasso, qui, oui, j'étais surpris où en voyant le nom. Où ça se situe, ça ? Je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, Montpellier, qui sort de la zone de rétrocession, qui est sorti depuis un certain temps, mais qui s'est vu lésé par la défaite cruelle à Paris. On enchaîne avec le BLMA, donc les Gazelles, qui, alors pour le coup, il n'y avait pas de match, mais le match aller à Charleville-Mézières va se jouer ce mercredi. Charleville qui a fini deuxième de saison régulière. Qui a perdu en finale d'ailleurs de coupe contre Bourges cette semaine. Absolument, donc match aller à Charleville ce mercredi et le retour samedi 28 à Latte au Palais des Sports avec une éventuelle belle le mardi 1er mai à Charleville. En ce qui concerne le rugby, alors il n'y avait rien ce week-end, juste rapidement les prochaines échéances, ça sera le match des Coccinelles face à Blagnac en demi-finale aller dimanche. Alors ça sera à Blagnac et le retour à Montpellier, l'autre demi opposera Toulouse à Lille. À noter que le rugby club de Jacousse est qualifié pour les phases finales de Fédéral 3, voilà. Autopromotion. Et quant au MHR, alors ça sera la réception de Pau pour la 25e journée, donc le dernier match à domicile de la phase régulière, ça sera samedi à 20h45, donc une jolie manière pour eux de consolider et d'entériner leur première place et des demi-finales seraient certaines. Donc on a beaucoup traîné avec tous les résultats, on va enchaîner avec le débat, donc jingle débat. Pause musicale. Jungle of your heart. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et donc voilà, le débat de ce soir, c'est la question qu'on se posait déjà depuis quelques temps, à savoir la France est-elle la nation la plus compétitive sur le plan sportif. Bon, alors évidemment, divers volets peuvent être évoqués. On peut d'abord parler par exemple du palmarès des médailles, qui généralement fait aussi figure d'arbitre de juge de paix par rapport aux médailles olympiques. Alors pour résumer assez rapidement, la France, c'est 840 médailles au total. Jeux d'été comme jeux d'hiver confondus, dont 250 médailles d'or. Montpellier. La France est la cinquième nation la plus médaillée de l'histoire des Jeux, derrière les États-Unis, les Soviétiques, la Russie, qui a suivi dans le palmarès, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui est la nation la plus proche de nous et qui est quatrième avec 878 médailles. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que selon vous, le palmarès des médailles peut faire figure d'arbitre impartial pour classer ou pas des nations en termes de compétitivité? Ouais, il est assez représentatif, en tout cas, de plusieurs sports de manière générale. Donc là, on est cinquième au niveau des médailles. En foot, on est autour de la cinquième place aussi, je crois. En rugby, bon, même si c'est moins bien en ce moment, on a été aussi autour de la cinquième place. Tennistiquement, on est à notre place, je trouve. Ça représente bien le classement général des équipes de France au niveau général. Je pense que c'est un indicateur qui permet de se positionner par rapport aux autres. Il vaut ce qu'il vaut. C'est une référence, c'est un outil de classement, comme peut l'être... je pense que le classement des médailles veut dire quand même plus qu'autre chose que le classement IRB, le classement FIFA... Non, mais c'est un tout, et c'est représentatif de beaucoup de choses. Oui, mais ça permet de se rendre compte qu'on a une position importante. Pas que, évidemment, mais on peut s'en servir en tout cas comme moyen de comparaison et de référence. Oui, on peut s'en servir, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je pense que voilà, il faudra peut-être en parler parce qu'il y a beaucoup de sports qui sont pas olympiques. Je pense notamment au rugby. Alors bon, il y a le rugby à 7, mais depuis pas très longtemps. Le foot, c'est assez compliqué parce que c'est les jeunes. Mais on parle pas d'olympique là. Oui, mais c'est pour ça que vous parlez des médailles. Oui, en fait je demandais si on s'en sert comme référentiel pour le sport en général. En général, mais ouais. Le problème, c'est qu'il va falloir ajouter d'autres sports à côté pour. En fait, ça amène la question. Ça amènera la question que je voulais poser juste après, mais juste pour signaler aussi pour donner des données chiffrées. Hein. Et l'agence Havas, l'agence publicitaire Havas, elle avait procédé aussi à un classement des nations entre 2006 et 2012 des nations les plus compétitives, en se basant sur l'obtention annuelle des médailles. Alors pour ça, elle avait fait un panel assez exhaustif de 53 sports sur lesquels elle fixait ce critère des médailles. Alors ça partait vraiment de sports généraux comme l'athlétisme, l'automobile, avec toutes les variantes qu'il pouvait y avoir dans ce terme, l'aviron, le badminton, l'escrime, le foot et même le wushu ou le wakeboard. Alors ça m'avait aussi sur... Mais le wushu. Il y avait encore plus, hein, ça partait, parce qu'après c'est aussi Havas qui faisait le classement, mais il y avait le parapente, la pelote basque, le squash, le street hockey, alors vraiment La pelote basque, on doit être bon quand même. Voilà. J'espère pour nous. Et donc, il en ressortait aussi de manière assez logique, finalement, que la France était classée 5e. Ben voilà. Sur ses, entre 2006 et 2012, elle était sortie 6 fois 5e et une fois 4e, donc encore une fois, la logique était respectée, d'autant plus que les nations qui étaient devant, sans surprise, c'était les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Allemagne. Alors bon, l'Allemagne devant, ah bon, d'accord. L'Allemagne, oui, comme au JO. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de rugby, de foot, mais en général, j'ai intégré aussi les autres sports. En cyclisme, on est présent, en athlée, on est présent, en biathlon, n'en parlons pas. De manière générale, dans les sports en général, les Français sont souvent présents, même s'ils sont pas sur le podium ou quoi. Ils présentent souvent des athlètes. Oui. C'est là où je voulais en venir en fait tout à l'heure. Moi, je pense qu'un autre signal important là-dessus, justement, c'est aussi de se rendre compte que la France a les moyens de réaliser beaucoup de médailles tant aux Jeux d'été qu'aux Jeux d'hiver, oui, c'est ça. Lorsqu'on parle de l'olympisme. C'est vrai que ça, c'est assez rare. Il y a peu de nations qui peuvent se targuer de ce type de performance. Il y a les États-Unis, bien sûr, mais les États-Unis, à la fois avec le poids important qu'ils ont donné au sport entre les universités américaines et aussi l'importance diplomatique que ça avait à une époque, je pense bien sûr l'époque guerre froide et qui s'est maintenu jusqu'à nos jours, de réaliser énormément de médailles. Et puis aussi, bien sûr, ce qui joue, et là c'est aussi notre cas en France, c'est le territoire qui permet de pratiquer certains sports. Et pour le coup, tant les sports d'hiver, à savoir le ski et sports apparentés, même de glace, où là on est plus en difficulté, effectivement, on a pu encore s'en rendre compte lors des Jeux de Pyeongchang, et lors des JO d'été. Et c'est vrai que là, par exemple, on voit qu'un pays comme le Royaume-Uni, très très fort aux Jeux d'été, a plus de mal se présenter en haut de l'affiche sur les Jeux Olympiques d'hiver, qui sont aussi plus confidentiels, bien sûr. C'est ça, mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très juste. Même la Chine, par exemple, quand j'entends dans ce classement, alors je n'ai pas trop compris l'intitulé, mais quand je vois la Chine, par exemple, et la Grande-Bretagne devant nous, alors peut-être que certes, ils vont avoir sur certaines disciplines plus de médailles ou plus de performances sportives que nous, mais par exemple, il parle pas du tout du ski, du coup, dans ce truc. Non, après, j'avais cité... c'est une moyenne. T'inquiète pas, parmi les 53 sports, j'ai pas tout cité, tous les sports. Il y avait évidemment le ski, il y avait le snowboard, il y avait pas mal de sports de glace qui étaient aussi dans le classement. Puis c'est une moyenne, au final. C'est une moyenne, en plus, qui se fait vraiment sur de 2006 à 2012 et qui avait été, en fait, un classement des nations les plus médaillées. Donc, en fait, c'est aussi sur le critère des médailles qui faisait la base de la compétitivité. Moi, la question que je voulais aussi vous poser, c'est que... Est-ce que le rôle des acteurs publics dans l'aménagement d'un territoire par rapport aux équipements sportifs, aux infrastructures en général, est primordial aussi pour dire qu'une nation est plus compétitive que d'autres à l'échelle mondiale? Oui, bien sûr. Oui. Puisque c'est les infrastructures qui font le... Quand on prend par exemple, alors Romain pourra mieux en parler que moi, mais ce jeune, celui qui faisait du patin autour de l'anneau, là, olympique. Ah oui, Quentin. Voilà, Quentin. Quand on voit que ce mec, bon, apparemment a fait des jeux honorables, au vu de la puissance d'autres pays, mais qui en France ne peut pas s'entraîner. Donc on voit par exemple avec ce cas-là que l'infrastructure va faire le sportif ou le truc. On voit par exemple pour le cyclisme sur piste avec le nouveau vélodrome de Saint-Quentin ou par exemple en Angleterre où ils ont énormément de vélodromes, et on voit que ce sont eux qui dominent. Donc effectivement, oui, les infrastructures. De la même manière que d'avoir de nouveaux Jeux Olympiques à Paris risque aussi encore de créer une dynamique pour éventuellement, même, j'en sais rien, sur ce type de classement, amener la France à se repositionner encore plus. Et comme le rôle a fait avec le foot et les stades. Tu l'as totalement dit tout à l'heure, excuse-moi Dimitri, t'as des ressources naturelles et t'as des infrastructures qui sont naturelles. T'as de la montagne, t'as du plat, t'as de la mer, t'as l'océan, t'as des fleuves. Pour le canoë-kayak, par exemple. Pour le canoë-kayak, par exemple. Donc, tu as des infrastructures qui sont naturelles que n'a pas la Grande-Bretagne, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, c'était tout à fait juste. Dimitri ? Il y a aussi l'investissement des États. Je prends l'exemple de la Chine, qui est vraiment dans le sport depuis quelques années, en train de prendre un grand virage dans de nombreux sports, notamment le foot, le hockey sur glace. Ils ont créé une ligue. Donc, je crois que c'est leur nouveau lobby d'avoir un pays sportif de haut niveau. Beaucoup de gros investissements sont à venir et sont déjà faits. Donc vous avez vu qu'il y a non seulement des grands joueurs étrangers qui viennent, mais aussi des entraîneurs étrangers qui viennent entraîner leur futur pépite. Donc je pense que l'État aussi a un rôle important dans... Oui, moi je pense aussi que ça dépend aussi de la diplomatie d'un État. Clairement, certains États font le choix d'une diplomatie sportive beaucoup plus incisive que d'autres depuis quelques années. Certains l'avaient déjà fait au cours du XXe siècle, notamment dans le cadre de la guerre froide, où le sport était, au même titre que le cinéma ou d'autres domaines, à l'avant-garde d'une suprématie culturelle, d'une certaine forme de suprématie culturelle ou d'adversité. Pour fédérer une population aussi. Absolument. Et la Chine s'y met absolument. Et c'est pour ça qu'elle arrivait vraiment de manière assez exceptionnelle dans tous les classements des médailles ou des compétitions dans lesquelles, justement, là où elle gagne le plus de médailles, de plus de titres, etc. C'était pas forcément le cas au cours du XXe siècle, hormis dans des disciplines telles que la gymnastique, etc. Mais maintenant, on a l'impression que les Chinois sont dans tous les domaines sportifs quasiment, et en attestent aussi leur volonté, y compris dans les sports d'hiver, avec l'obtention des Jeux de 2022 à Pékin. Moi, je voudrais rebondir par rapport à ça, je viens d'y penser. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans ces moyennes de médailles et tout ça, parce qu'on voit par exemple qu'il y a un sport, mettons, comme la gymnastique, tu peux gagner, enfin la Chine peut gagner plusieurs médailles sur un sport comme ça. Alors que nous, par exemple, mettons Teddy Riner qui domine son sport, lui, aux Jeux Olympiques, il va en gagner qu'une de médailles. Comme au short track, quand les Hollandais ont eu 7 titres olympiques ou 6 lors des derniers Jeux. Du coup, je trouve que ça, c'est pour ça que moi, je pense que voilà, nous, c'est vraiment où on va être devant des pays comme ça, comme la Chine notamment, comme la Grande-Bretagne, parce qu'effectivement, sur certains sports, ils vont ultra dominer. Alors bien sûr que nous, ça nous arrive aussi, mais je pense qu'on est plus complet. Par exemple, la Chine, je reviens là-dessus, ils sont absents en foot, en rugby, au hand. Donc les sports co, ils sont pas là. Donc effectivement, ils vont être très bons sur sport individuel, sur certains sports. En tennis, ça reste compliqué. Bon, il y a eu Lina qui a gagné des grands chelems, mais ça reste trop peu. Mais pour moi, ils sont absents dans beaucoup trop de sports. Et effectivement, alors quand ils gagnent sur certains sports, ils sont mis à la natation notamment avec Shun, je sais pas quoi. Oui, c'est Shun Zhang. Voilà. Non, comme je disais, je pense que la Chine c'est à venir dans 10 mètres. Hein, je pense que c'est... Mais ils sont pas là en ski. Moi, je pense que Vincent en fait souligner aussi un point important, à savoir que le classement des médailles, là je citais évidemment des données chiffrées, etc., mais on peut prendre le verre à moitié vide ou à moitié plein, à savoir que pour le cas chinois, le contexte des médailles est assez trompeur, en sachant qu'ils raflent beaucoup de médailles dans des disciplines ciblées et que dans d'autres ils en sont tout absolument absents, alors que la France par exemple, tout à l'heure je parlais de compétitivité à l'échelle internationale par rapport aux équipements, etc., mais en matière aussi de nation la plus complète, clairement la France est présente dans quasiment tout, pas toutes les disciplines, mais dans la plupart, quoi. Ouais, c'est ça, bien sûr. On présente à chaque fois les athlètes un peu partout, mais c'est pas comme la Chine qui, elle, par exemple, c'est l'exemple de la Chine, hein, est spécialisée dans certaines disciplines et qui rafle plusieurs médailles dans des disciplines où on peut en remporter plusieurs. Exactement. Et on a parfois, nous, pas les moyens forcément d'être aussi compétitifs dans les grands événements, par exemple dans ce qui est la chasse à la médaille d'or, au nombre de médailles d'or, hein, je veux pas dire le fait d'en avoir dans certaines disciplines. Par contre, le fait d'être complet, c'est une certitude. Et effectivement, je pense aussi qu'il y a une culture multisportive en France. Oui. Alors bien sûr, on a nos spécialités, comme chaque pays a ses spécialités et est fort dans certains domaines. Voilà, l'Espagne a une culture du sport collectif. Oui. Voilà, les Chinois sont portés beaucoup sur les disciplines maintenant d'athlétisme et les disciplines telles que la gymnastique, effectivement. Ou en ski, ils sont vraiment sur les disciplines comme le ski acrobatique. Les Américains sont connus pour être très portés sur notamment le sport freestyle, très fort aussi en athlétisme, en natation, voilà, et bien sûr tous les sports dits US. La France a un côté très multisport, effectivement, et je pense qu'il faut prendre conscience de la chance que nous avons aussi, nous, amateurs de sport, dans les champions qu'on peut croiser, aussi tout simplement les disciplines où on peut voir s'exercer des Français. On a des Français qui brillent au tennis, qui brillent en cyclisme, qui brillent en escrime, aussi des grands champions comme Tony Estanguet sur le canoë kayak, comme Teddy Riner en judo, ou encore Martin Fourcade en biathlon. Je fais exprès volontairement justement de citer des sports très différents, et à côté de ça, effectivement, ce qu'on ne retrouve pas pour beaucoup de pays, sans être la meilleure nation mondiale hormis au handball, je voulais parler, faire le pont avec les sports collectifs, on est capable de présenter des équipes compétitives dans l'ensemble des sports collectifs, hormis, je dirais qu'on est un petit peu plus en retrait au volley, et encore un cran en dessous, effectivement, au hockey sur glace, où on a failli, on n'a pas eu d'équipe par exemple aux Jeux Olympiques. Et en effet, c'est vrai que, évidemment, la question c'est, doit-on penser que c'est vrai que la France, par exemple, on prend le cas de la France, on est complet dans tous les sports, après évidemment c'est pas gage de réussite, de récolte de médailles d'or ou de titres prestigieux dans toutes les disciplines. Je pense que l'atout majeur de la France, c'est de réussir à placer entre guillemets des pions dans toutes les disciplines, et ça se différencie aussi par rapport à certaines politiques sportives de certains États, à savoir que je voyais par exemple le cas des États-Unis qui distribuent des bourses à travers, parce que la formation là-bas se fait au niveau universitaire, et font venir pas mal de personnes, de sportifs étrangers de haut niveau, qui se font sur des sélections très strictes, à savoir qu'il faut avoir au moins un niveau régional, de type régional, pour être accepté là-bas. Et puis après, évidemment, la formation se fait aux frais de l'université, mais les sports sont très ciblés là-bas. C'est principalement le basket, c'est principalement le baseball, c'est principalement la natation, bien évidemment. Ou encore le hockey, sur glace. Donc pour la France, on a un tissu associatif qui est vraiment, dans le cadre de missions de proximité, qui est très ciblé, qui est très... Enfin, à dire, même au sein des campagnes, on peut tout à fait détecter des talents qui seront après encadrés par l'État ou par des subventions, par des deniers publics. Et ça englobe vraiment pas mal de disciplines, et c'est pas des disciplines forcément ciblées telles qu'on le voit dans les universités aux États-Unis. On développe aussi fortement la formation, hein, rien qu'à voir le partenariat, nous aussi, qu'on peut avoir effectivement ici avec le CREPS de Montpellier, hein, qui a pu nous permettre permettent de faire venir des athlètes dans des disciplines très variées et même découvrir du coup que certaines disciplines se pratiquaient aussi proches de chez nous alors qu'on n'imaginait parfois pas. Et aussi je pense effectivement à d'autres choses qui ont été développées parfois même plus grand public, donc en se détachant du sport professionnel, comme des pôles de nature autour du Massif Central, en plus en ce moment j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, où on donne accès au plus grand nombre à beaucoup de sports que l'on démocratise et qui petit à petit font leur trou. Hein. Effectivement, on a des sports qui aussi n'étaient pas forcément médiatisés et qui n'étaient pas porteurs avant même dans notre pays et qui maintenant voilà, sont des sports bien positionnés, qui ont trouvé leur place, je pense comme le canoë-kayak, comme le biathlon dans la culture sportive française, et qui créent toute cette diversité qui fait la richesse de la France et qui amène à penser pour moi que même voilà, au-delà de ces classements, la France est presque même... mal classée, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'elle peut légitimement espérer, en tout cas pas forcément sur le point compétition encore, mais sur le plan multisport. Multisport. Oui. Pour moi, voilà, la France est derrière où se joue cette place de pays le plus complet, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec les États-Unis, qui en plus, à côté de ça, ont un potentiel à la fois business, j'ai envie de dire, et puis démographique. Attractif aussi. Voilà, démographique aussi. Démographique, voilà, beaucoup plus important. Démographique, ouais. Et justement, en effet, il y a un article qui était sorti, je ne citerai pas évidemment le nom de la source, mais en tout cas, on disait qu'en termes de résultats sportifs internationaux et en médailles, la France a un ratio élevé par rapport à sa population globale. En concurrence avec l'Australie par exemple, dans les trois premières nations sportives du monde, donc si on pondère les moyennes en fonction de la population, la France est dans le top 3. Alors au final, voilà. c'est pas étonnant quand on voit représentatif de ce que tu disais sur la sur le multisport et sur le fait d'être plus complet. Puis au-delà, il y a aussi... Oui, vas-y Vincent. Mais du coup, est-ce que ça veut pas tout simplement dire le fait, parce que bon, on est en train de se diriger vers ça, mais peut-être être la nation la plus complète au monde en termes de sport, mais est-ce que justement ça veut pas dire que par là on est les meilleurs du coup? Bah après, il y a un risque, c'est-à-dire que des fois aussi, mais lorsqu'on est capable d'être visible dans tant de sports, est-ce qu'à l'inverse, on est capable d'avoir, mais on les a quand même, oui, mais globalement, voit d'avoir ces sportifs-là qui sont emblématiques même du sport mondial. On en a quelques-uns. Après, ce qui parfois nous manque, c'est d'avoir, voilà, comme quand certains de nos confrères parlent de sport majeur, des fois des équipes ou des sportifs individuels qui brillent fortement dans ces sports majeurs. Je pense au tennis, avoir de nouveau un numéro 1 mondial au tennis, un vainqueur du Tour de France. Et donc il y a des petits paliers comme ça qui nous manquent à franchir pour pouvoir vraiment arriver à prendre encore plus d'envergure. Mais on l'a eu à une autre époque. Oui, donc, mais... le meilleur, sans doute. Après, on en viendrait peut-être à faire un débat un peu biaisé où on serait un peu beaucoup chauvin. Là. Oui, on est aussi un peu là pour ça. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il y a un renouvellement. C'est parce que là, j'ai l'impression qu'on s'inquiète un peu. J'ai l'impression que bon, les trois sportifs qui peut-être représentent un petit peu plus en ce moment la France, enfin Riner, Fourcade et Lavillenie, enfin, au moins à titre individuel, on se dit oh là là, ils approchent tous de la trentaine, quand ils vont partir, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça va se renouveler. Alors, peut-être pas forcément. Tout de suite Oui, et pas forcément dans ces sports-là, peut-être. Pas forcément dans ces sports-là, mais pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, la France ne dominera pas le vélo? Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aura pas un vainqueur du Tour de France, un Alaphilippe qui nous fait. Tout à fait. Alors, juste pour prendre l'exemple du vélo, mais. Et une France qui remporterait des grandes compétitions au basket, qu'en penses-tu, Dimitri? Je reviens, parce que vous me parlez des Fourcade, de l'avenir. Justement, il faut un champion pour créer de l'émulation. Exactement. Dans les clubs. Je prends un exemple pour la boxe, par exemple. La boxe qui était une période cause avant les Jeux Olympiques. Le succès des Sissoko, des Tony Yoka ont permis à des clubs, après l'entrée, les inscriptions ont augmenté. L'engouement, l'obtention de Paris 2024 a créé un nouvel engouement. De même, après la Coupe du Monde de rugby en 2007. Oui, absolument. Et l'année prochaine, on va accueillir la Coupe du Monde féminine de football. Donc ça pourrait aussi créer un nouvel engouement. Et c'est là que ça rejoint ce que tu dis, c'est que le fait d'organiser aussi des événements, ça montre déjà la présence de la France sur la scène internationale au niveau du sport. On a organisé l'Euro, là on va organiser la Coupe du Monde en 2023, on organise la Coupe du Monde féminine, de rugby, rugby, les JO 2024. Et les événements annuels. Ouais. Tour de France, Roland-Garros qui qui sont, ils font partie du patrimoine sportif français, ouais, évidemment. À dire par exemple que le Tour de France est l'événement annuel le plus regardé, suivi, ouais, et le plus regardé au monde. Ouais. Il y avait un pays d'ailleurs qui faisait défaut ces dernières années à cause des affaires de dopage, à une époque c'était l'Allemagne, ouais, et qui est revenu aussi dans la danse. Le Tour de France, qui peut être critiqué par certains, est la compétition la plus vue au monde annuellement. Bien sûr, sans commune mesure par contre, avec les compétitions qui ont lieu tous les 4 ans, que sont la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Oui, donc après voilà, la plus compétitive, on se voit aussi en matière d'attractivité du territoire ou des infrastructures du territoire, pour accueillir des grands événements. On constate en tout cas que les dirigeants français de quelques fédérations que ce soit réussissent en tout cas à attirer ces grands événements en France. Qu'est-ce que tu voulais en dire? En fait, je voulais revenir sur ce que j'ai vu. Au même poser une question, on me disait, est-ce que c'est possible que la France puisse gagner un titre mondial avec... comme on a beaucoup de joueurs de basket qui jouent en NBA. Justement, c'est ça le problème. Parce que les franchises NBA ont du mal à libérer leurs joueurs pour les compétitions internationales post-saison. Parce que, en fait, ils préfèrent que les joueurs se prépare mieux pour l'avant-saison, donc c'est ça le problème. Vous voyez, pendant les tours de qualification, même les joueurs de EuroLeague, parce que vous savez qu'en ce moment, dans le basket européen, il y a une limite entre la Ligue européenne et ceux qui dirigent l'EuroLeague, donc on dispose pas de nos meilleurs joueurs, nos meilleurs éléments. Et certaines nations aussi. Ce qui peut poser problème dans les sports collectifs. Par contre, les Américains libèrent, enfin les franchises américaines libèrent leurs joueurs. Oui. Pour les qualifications, c'est des joueurs de D-League, c'est-à-dire la division 2 de NBA, c'est-à-dire attention, ils sont tellement au-dessus. Quoi. Mais est-ce que les joueurs, déjà, les stars américaines ont envie de porter le maillot américain? Oui, ça se passe, par contre. C'est le cas. Mais est-ce qu'ils ont vraiment... Pour les JO, quand même, il y a... Ouais. Du moins pour les JO, après, je ne suis pas ni spécialiste de basket. Oui, pour les JO, au moins pour les JO, quand même. Je pense qu'il y a cet esprit un peu Dream Team. Ce qu'il y a moins chez les Français. Alors, parce que j'ai en tête, en fait, Joachim Noah, qui n'a jamais vraiment voulu. Est-ce que c'est de l'envie qu'il a manqué? Je sais pas, mais en tout cas, sa franchise des Bulls à l'époque ne voulait pas le lâcher. Ouais. Après Noah, c'est un cas particulier. Si connaissant un peu son histoire, il est né à New York. Il a vécu à New York, donc je pense que. En tout cas, ça permet sans faire tout un débat après autour de ça. Ouais. Ça permet de faire le pont aussi entre ce qui peut jouer parfois aussi des ligues, des niveaux ou des fonctionnements des différents championnats aussi qui peuvent jouer sur la performance des équipes nationales. Pour autant, voilà, la France, sans avoir eu les moyens pour le moment d'aller chercher un titre mondial au basket, c'est pas le cas non plus dans la plupart des sports collectifs. Hein. Seulement, si je m'abuse, le hand, et ce qui est déjà très bien, et le football, ils sont parvenus. Le volley aussi. La Ligue mondiale en 2015. Ouais, c'est un peu différent comme fonctionnement aussi. Mais effectivement, oui, les ligues et les fonctionnements de ces ligues peuvent jouer sur ces résultats-là. Mais voilà, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, voilà, on a quand même des équipes nationales aussi dans tous les sports collectifs. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Et pour finir le débat, est-ce que vous pensez qu'aussi le caractère local de certains sports peut aussi fournir un biais, en fait, ou une entrave à dire que la France est la nation la plus compétitive? Je pensais, par exemple, au cas du handball. Le handball, certes, est un sport qui ne cesse de s'élargir à l'échelle continentale, voire mondiale, mais c'est encore très européen, voire ouest-européen et nord-européen. Oui, je sais que tu as une objection, Vincent, mais pour le coup, quand on regarde les équipes africaines de handball, hormis l'Égypte ou la Tunisie... le Qatar, bon, après le Qatar c'est aussi un cas particulier, mais même au niveau asiatique, ils ont des joueurs européens dans le Qatar, voilà, même des Français. On voyait pour le rugby, ça a commencé aussi ça s'est démocratisé désormais, ça a atteint en tout cas la formation asiatique, on a vu ça avec le Japon, un petit réservoir de pays. Voilà, mais ça reste un petit réservoir, etc. Et quand on peut aussi tout à fait élargir le raisonnement au sport de type anglo-saxon, voilà, on pourrait penser, les Anglais pourraient nous objecter que la France n'est pas compétitive ou n'est pas la plus complète, car on serait absent du hurling ou du cricket, ce qui en soit est objectif. Et en effet, vous pensez et que dire des sports gaéliques, voilà. Donc, est-ce que vous pensez que tout ça est une entrave, évidemment, à faire ce genre de classement en termes de compétitivité ou de nation complète, quoi? Après, je pense quand même que effectivement les Anglais peuvent nous rétorquer ça, mais dès que les Anglais, il s'agit de nous embêter, ils sont là. mais quand on regarde objectivement, enfin, que ce soit le rugby ou le hand que tu as décrit, je pense à juste titre, comme des sports un peu confinés à un certain espace, encore que le hand quand même est quand même présent sur tous les continents. Oui, après, ça, ça gâche pas forcément de, leur, de la compétitivité de ces continents-là, quoi. C'est-à-dire, certes, ça, c'est, ça commence à se démocratiser, après, il faut le nombre de licenciés ou de résultats de ces équipes. Mais bon, en question, quoi. Quand tu prends par exemple, je sais pas, pour parler du foot américain ou du cricket ou du hurling ou je sais pas quoi, qui pratique ces sports dans le monde? Oui, voilà. Alors, effectivement, voilà. Effectivement, il va y avoir beaucoup de monde. Les pays du commun, ouais, il faut sélectionner des sports universels. Ouais. Si on fait un classement comme ça, il faut sélectionner quel sport tu considères comme étant universel. Mais moi, le hand, je le considère plus universel que le cricket ou le hurling ou même oui la pelote basque, la pétanque, elle y était dans le truc, mais ou le curling, même plus universel par exemple que le football américain. Ah, encore le curling, tu peux le prendre. Oui déjà il y a plus de pays, soit, mais en tout cas oui, dans tous et même cas, le rugby d'ailleurs, je pense qu'il y a toujours des biais, voilà, quand on établit un classement, il y a une part de subjectivité qui est claire aussi, et suivant quelle est la culture aussi d'un pays, quels sont les sports qui nous intéressent, voilà, ne serait-ce que lorsqu'on va sur quel que soit le site sportif français de sport, on va voir aussi quels sont les sports qui vont revenir, les onglets qu'on aura, aussi ceux où il y aura le plus d'articles journalistiques qui vont sortir, et forcément nous aussi, ben, lorsqu'on va s'y intéresser, mais globalement aussi c'est parce qu'on est sur beaucoup de sports effectivement qui aussi ont une visibilité à international, où la France se positionne, on va pouvoir dire que ça reste relativement objectif, mais il y a cette part de subjectivité parce qu'il y a des sports qui sont plus dans notre culture, voilà, ben le rugby a une place importante en France, mais c'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays, même d'autres pays européens, et la France pour autant en reste un pays des plus complets. Oui. Bon, c'était le mot de la fin pour le débat, beaucoup de données, pas mal d'avis tranchés. Et une conclusion, que la France, oui, parmi les nations les plus complètes, voire peut-être dans le top 3, si on pondère. Moi, je pense que c'est la plus démographique. Oui, après, si on part du principe que les résultats ne sont pas gages de. Sont pas forcément révélateurs d'une compétitivité, en effet, la France, même si elle ne gagne pas certaines médailles ou certains titres dans certaines disciplines, on y est présent en tout cas dans toutes, quasiment toutes en tout cas, donc on peut dire. Et on est capable de se positionner même dans des disciplines émergentes, à voir, sans réouvrir le débat, on a fait la conclusion, mais que sur les disciplines qui apparaissent maintenant dans les Jeux Olympiques, soit d'été ou d'hiver, la France est tout de suite présente. Oui, donc c'est aussi un gage d'un certain dynamisme et du fait qu'on va garder cette bonne santé dans le temps. C'est ça, moi si je peux juste faire un petit truc, enfin, par exemple au tennis de table. J'en parle un petit peu parce que j'en fais, mais il me semble que par exemple on a obtenu des médailles mondiales et peut-être aux Jeux Olympiques avec Jean-Philippe Gatien, donc ça remonte un petit peu, donc dans des sports qui sont ultra quand même dominés, je pense par les Chinois, enfin tu vois, je suis pas sûr que les Chinois viennent aller chercher bientôt, tu vois, un titre dans notre précaré, quoi. Très bien. Alors que nous, on est capable. L'exemple du tennis de table, bon, je l'ai pris parce que voilà. On est fort quand même, les Français. Hein. Oui, voilà. On peut conclure là-dessus. Voilà. C'est ça. Donc, c'était le mot de la conclusion. On peut sentir après l'émission. On peut être fiers, oui. Donc, on enchaîne avec la pause musicale numéro 2. Et là, ils ont tous peur, là. Quantic, Time is the Enemy. We'll be right back. Et donc c'était Quantic, Time is the Enemy. Donc on va enchaîner maintenant avec le quiz, Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Alors pour le quiz... Pour le quiz de ce soir, c'est Vincent qui s'en est chargé, donc on verra si les questions seront pertinentes ou pas. C'est parti. Pertinente, je suis pas sûr, mais au moins il y a des questions. Et la dernière... Tu t'es fait plaisir. Ouais, non, la dernière, je me suis fait plaisir. Très bien, vous êtes prêts ? Donc première question, elle est assez facile, ça va aller assez vite. C'est toi qui choisis si on fait ça à la rapidité ou si on fait un tour de table. Ça sera rapidité. Quel était le dernier coureur français à avoir remporté la Flèche Wallonne avant Julien Alaphilippe ? Jalabert. Non, Jacques Durand. Jalabert. Jalabert. Dimitri. Il a même dit qu'il était très content de voir Julien lui succéder. Ouais. Voilà, Dimitri. Yacine, 97 si on donne la date, Paul. On a un point ou pas ? À la date, non, je l'ai pas. T'es un gratteur, toi. 97, je crois. Tu grattes bien les ballons, hein, comme Richie. Romain. Donc, Dimitri, un point. Bien joué, Dimitri. Je m'attendais à Romain. Non, mais j'ai été pris, non, tu vois. Qui qu'a dit ? Il est, sans aucun doute, un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Première Ligue. Et je suis fier d'avoir été le rival, le Ferguson. Collègue. Sir Alex Ferguson pour Yacine. À propos d'Arsène Wenger. À propos d'Arsène Wenger. Quittera Arsenal à la fin de la saison. Bien évidemment. Alors celle-là, Yacine, tu répondras pas, comme je te l'ai dit. Ah oui, très bien. Voilà, parce qu'on a parlé hier. C'est tous la les fameuse. Deux. On a parlé hier tous les deux. Donc, quel sportif a fait cette semaine la une du magazine américain Time et apparaît dans le classement des 100 personnalités les plus influentes de la planète ? Je l'ai vu, je crois. C'est un homme, une femme ? C'est un homme. C'est un sportif. Federer. Roger Federer, c'était écrit sur mon t-shirt. Je l'avais pas du tout. Je l'ai parmi. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage. Voilà. J'étais persuadé que tu parlais d'un sportif français. Je me disais, mais qui c'est qui a pu faire la couverture moi aussi, de Time j'ai un sportif français. Voilà, non, donc, je recherchais peut-être Mladenovic. Voilà, peut-être Mladenovic, tout à fait. Bien joué, Dimitri. Donc, dans les 100 personnalités les plus influentes, donc il y a des hommes politiques, tout ça, il y a 3 sportifs. Donc, Roger Federer, Kevin Durant et un joueur de cricket indien. Voilà. Tiens, improbable ça. C'est improbable. Voilà. Voilà. Comme quoi, c'est pas dans notre culture sportive et nous ne le savons pas et ça a son importance. Voilà. Allez, une petite question, charade. Ah. Donc tout le monde peut jouer, Yacine aussi. Donc mon premier est une boisson à boire avec modération. Mon deuxième est le premier des nombres à 3 chiffres. Mon troisième est un prénom porté par la sœur de l'animateur de ce quiz. Mon tout vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière cette semaine. Oula. Vincent Clerc. Oui. Oh, Vincent Clerc, point Yacine. Mais bien sûr. C'était sûr que t'allais poser ça. Eh oui, forcément. Donc mon premier est une boisson. Bien joué, Yacine. Est une boisson à boire avec modération, le vin. Mon deuxième est le premier des nombres à 3 chiffres, 100. Donc celle-là, c'était un peu plus difficile. Yacine est un petit peu avantagé. Mon troisième est un prénom porté par la sœur de l'animateur de Squeeze, donc ma sœur Claire. Je dois avouer que ce qui m'a aidé, c'est plutôt surtout voilà. la dernière Mais bon, avec un prénom. Mon tout vient d'annoncer cette semaine l'arrêt de sa carrière. On savait pas comment ça pète, ta sœur. Je porte réclamation. Non, mais tu portes réclamation. Mais déjà, tu pouvais avoir Vincent. Tu pouvais avoir mon troisième un prénom. Et mon tout vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière cette semaine. Surtout comme passionné de rugby. Voilà, bien surtout. Sûr. Aucune excuse. Donc, question rapidité. Le PSG vient de se qualifier cette semaine pour la finale de la Coupe de France. Pouvez-vous me dire quelle est la dernière équipe à avoir battu le PSG en Coupe nationale ? Donc, Coupe de la Ligue et Coupe de France. La dernière équipe à avoir battu le PSG en Coupe. Saint-Etienne. Montpellier. Montpellier. Ah oui, c'est pour Dimitri. Oui. En janvier 2014, ils avaient gagné 2-1. Au parc des Princes, ouais, avec un but de Montagnot, je crois, à l'époque. Mais tout à fait, Yacine, tu n'auras pas de points en plus. Mais non, mais j'ai essayé de négocier. Mais Victor Hugo, tu vois. Victor Hugo, ouais. Voilà, fin lettré. Alors, question. Je suis ralenti là. C'est bon. Je m'en veux, je suis pas bien. Question rapidité, encore une fois. Citez-moi les deux clubs qui comptent. Alors, des 5 grands championnats, pardon. Donc, France, Allemagne, 5 grands championnats. Citez-moi les deux clubs qui comptent 4 joueurs à plus de 10 buts. 4 joueurs à plus de 10 buts. Cavani, Manchester City. Non. Ah, non. Les deux clubs. Excuse-moi. Manchester City. Non. Liverpool. C'est non. Sûr. Est-ce que c'est éliminatoire? Lyon. Non, donc 3. Oui, Lyon. Oui. Alors, un point pour Paul. Lyon. Oui, Mariano Depay fait qui? Donc, Mariano Depay et Paris. Point pour Yacine. Donc, Mariano Depay, Traoré, Fekir. Et puis. Liverpool. Non, il n'y en avait que deux. Et Paris. Et Paris. Donc deux clubs français au final. Deux clubs français. Comme quoi. Du coup, français, Mbappé, Cavani, Neymar et. Ouais. Et Di Maria. Mbappé, il a plus de 10 buts. Ouais. Et oui. En 2018, il a flambé. Ouais. Voilà. Alors, question tour de table. On va changer un petit peu. Donc, Liège-Bastogne-Liège est surnommée la doyenne des classiques. Mais en quelle année a eu lieu la première édition ? 1892. Tour de table, j'avais dit. Ouais, franchement, parce que Romain. Bon, du coup, tour de table. Alors, Yacine, tu commences. Je sais pas. Je vais dire 1894. Ouais, je suis pas sûr en plus. Hein, ouais, 1894. Aujourd'hui, j'ai pareil que toi. T'es sûr de toi ? Paul, parce que j'ai dit ça un peu vite, je me suis peut-être trompé en plus. Attends, c'était la combienième édition qui vient de passer là ? Non, moi j'aurais dit 92 aussi, c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. 1892. Pourquoi j'ai pas écouté tour de table ? Il avait l'air si sûr que j'ai préféré changer. Je sais pas. Mais donc, ouais. Un point pour Paul, un point pour Romain. Ah, j'étais sûr et certain de moi. Premier point pour Romain. Il a essayé de bluffer. J'ai essayé de bluffer, ouais. Question. Non, j'avoue, j'hésitais entre 92 et 94, et le fait que j'ai dit 92, ça donc m'a conforté dans mon choix. Tu sais qui c'est le premier qui a gagné ? Un Belge ? Non. J'ai pas le nom. Léon ou A, je crois, un truc comme ça. Je peux te dire qui est le premier français qui a gagné, je sais pas si c'est la prochaine question. Non, c'est pas là. C'est la prochaine question. Vas-y, c'est qui ? C'est Trousselier. Ouh, années 30. C'est joli. Ah oui, ensuite, c'est Dan Guillaume. Ouais, je vous embouche un coup. Ouais. Il y en a que 4 qui l'ont gagné. Ouais. Et le dernier, c'est Bernard Hinault. Ouais. En 80. Et du coup, c'est Anquetil le troisième, comme ça voilà. J'ai tout donné. Voilà. Mais tu sais quoi ? T'as pas de points en plus. Dur. Oh, le coquin. Voilà. Alors, prochaine question, rapidité. Raphaël Cocheteux a fait l'actualité cette semaine. Pourquoi ? Donc, Cocheteux, c'est du hand ? Ouais, c'est Nantes. C'est Nantes. Ouais. Non, c'est pas Nantes. Ah, c'est pas Nantes ? Ah, j'ai été persuadé que c'était Nantes. Il a fait l'actu. Alors là, c'est. Ça, c'est ardu tout ça. Je dirais même que ça devrait compter double. Hein. Bah, ça comptera simple. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu pourrais nous aiguiller un indice peut-être ? C'est de l'extra sportif ? Non, c'est le sportif. Record de buts de la saison ? Alors, ça concerne les buts, oui. Ouais. Pas le record. Est-ce qu'il a battu le record de points marqués sur un match ? Sur la saison ? Non, pas sur un match. C'est plutôt sur toute sa carrière. Et ça concerne le championnat. Il a marqué le plus grand nombre de buts de sa carrière en championnat. De tout club confondu. Tout club confondu, mais bon, j'attends un nombre de buts. Ah, tu attends le nombre de buts. Ah, oh, mais ça peut être énorme. Ouais. Alors franchement, en termes de ratio, je sais même pas si je veux. Attends, en moyenne de buts ? Non, ou nombre de buts. Un nombre. Non. Nombre de buts sur l'ensemble de sa carrière. On est d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Il a quel âge, Cocheteux ? J'essaie de me faire un 32, truc. Je crois, non ? Pour voir s'il a plusieurs saisons. Écoute, j'en sais rien. Je crois qu'il a 32. J'en sais rien. Donc il a une certaine expérience en. Si mes souvenirs sont bons, parce qu'il a été un des plus vieux à être sélectionné en équipe de France. Oui. Ouais. On est comment au niveau du temps ? Parce que je pense qu'on peut passer. On a encore 7 minutes. Ouais, bah. Allez, je vais dire... parce que la dernière question sera longue, donc. Je vais dire. Je suis désolé, les gars. 1400 buts. Je vais dire 1005. Il a marqué son 1500e but en championnat. Donc il était déjà le joueur à avoir marqué le plus de buts en championnat. Et là il a marqué son 1500e but. Mais tu vois, s'il avait pas dit 1004, moi j'étais parti sur 1000. Alors j'étais encore loin du compte là. Mais comme quoi on avait le bon ordre d'idée, je suis quand même. On avait le bon ordre. Bravo. Point pour Yacine. Il a été format Montpellier d'ailleurs. Le joueur qui est sur la voie, je peux avoir un demi-point ou pas ? Non. Arrête de gratter. Au début j'étais persuadé que c'était de l'extra sportif, ouais, mais non, ce garçon est sage et marque des buts. Très bien. Ouais. Question. NBA, Dimitri, je vois que tu es un petit peu endormi là. Quel est le point commun entre Kevin Love, DeMarcus Cousins, André Drummond et Damian Lillard ? Ils ont joué dans le même club. Peut-être, mais c'est à une époque de leur carrière. Les autres, vous pouvez jouer, hein. J'ai dit Dimitri, mais. Ah, mais moi j'en ai aucune idée. Non, ils jouent pas c'est tous. Ils font probablement tous plus de 2 mètres, mais c'est pas ça que j'attends. Quoi, ils ont le même âge ? Ils jouent pas au même poste, c'est sûr que non. Même année de draft ? Non, j'en sais rien. C'est pas ça que j'attends. J'ai vu une petite vidéo sur Eurosport, c'est ça qui m'a donné l'idée. Voilà, donc c'était sorti aujourd'hui ou hier. Bon, voilà. Ils sont pas. Je pense que Dimitri, quand je vais dire la réponse, il va crier. Ils ont une stat. Est-ce que c'est une stat qu'ils ont en commun ? Non, c'est quelque chose qu'ils ont en commun effectivement. Oui, ouais, non, c'est ça, c'est la question. Ça, mais... Non, c'est pas une stat. C'est bien une stat, non. Alors je vais vous donner un indice, mais je pense que là Dimitri a trouvé, c'est quelque chose qu'ils portent sur eux. Toi, une croix ? Non. C'est pas une croix, c'est pas un tatouage. Non, bon bah du coup. Attends, redis les noms. Kevin Love, DeMarcus Cousins, André Drummond et Damian Lillard. Ils ont un bandeau ? Ah, ils ont un bandeau. Non. un bandanner. C'est plutôt sur leur maillot, du coup. Un badge. Non. Un numéro particulier. Ils ont le même numéro. Oui. Ils ont tous le zéro. Oui, mais du coup, ils ont tous le zéro, non? Ils ont tous le zéro. Ils ont tous le zéro. Ils ont tous le zéro. Love, je savais que c'était le zéro. Point Romain. Oh, je suis choqué. Mais du coup, c'est bizarre. Les mecs qui ont c'est zéro. Comme Niège, Niège. À chacun s'en donne une. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, la prochaine question, je vais pas vous la faire puisque c'était. J'étais très surpris de sa passe dans l'embut, mais ce geste m'a touché. Du coup, celle-là, je vous la ferai pas. Du coup, dans la prochaine question, rapidité, dans quelle ville s'est déroulé le GP moto des Amériques? Austin. Austin. Point Romain. Je l'ai même regardé hier soir. Très bien. C'est rare. Je suis choqué. C'est quoi qui a été joué à Austin? Le GP de moto? Oui, GP moto GP, ouais. Remporté par Marc Marquez. D'ailleurs. Voilà. Zarco fait 6ème. Exactement. Donc, les deux dernières questions. Alors, en quelle année, rapidité toujours, en quelle année Rafael Nadal a remporté son premier titre à Monte Carlo? 2005. Point pour... Dimitri, il caracole Dimitri. Là, non? Il est combien Dimitri là? C'est assez intéressant. Dimitri, 4 points. Yacine, 4 points. Paul, 2 points. Et Romain, 3 points. Romain, oui. Une dernière question qui vaut 3 points. Alors, dernière question. Non, j'avais pensé la mettre à 2. Mais du coup, elle est très très dure. Donc, je vais quand même la mettre à 2. Donc, réfléchissez bien. Calmez-vous. Donc, à propos de cette année 2005. Donc, où Nadal a gagné son premier titre à Monte Carlo. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, donc on va faire un tour de table et chaque mauvaise réponse sera éliminatoire. Pouvez-vous me dire les 20 premiers du classement ATP à la fin de cette année 2005? Ah, les 20? Oui. Alors, attendez. Donc, on va durer à 10, donc alors, prenez un petit peu de temps pour réfléchir. Ne dites pas des Raoni, du Denis Chikori, parce qu'ils y sont pas, ils étaient pas nés. Il y a encore des joueurs en activité que vous pouvez trouver, donc essayez de réfléchir avec l'âge et surtout voyez bien 2005 qui était là. On essaie de faire vite par contre, les gars. Hein. Ouais. 3 minutes pour réfléchir sur. Non mais de toute façon on commence, ouais, on commence dans quel sens? Voilà, on commence, bah, on a commencé par Yacine tout à l'heure, du coup j'étais sympa avec Romain, je vais le laisser commencer. Leighton Hewitt. Leighton Hewitt, très bien, tu l'as. Et devant. Moi? Oui. Roger? Ah bah évidemment, Roger était là. Je vais pas le rayer parce que j'ai pas envie de le rayer. Rayer Roger. Tu m'as un petit... J'ai fait un petit cœur à côté. Toujours. D'ailleurs j'ai un beau t-shirt, vous croyez pas? Magnifique. Djoko? Non. Dimitri, non. T'as pas le droit encore. Et non, Djoko, non. Je vais dire Roddick. Roddick, bien sûr. Bien joué. Ah, c'était celui que je voulais donner. Mais oui. Davidenko. Regardez. Bien joué, Davidenko. Ah, bien joué, je voulais le dire. Ah, j'ai dit Davidenko à l'époque. Ouais. Gasquet a fait numéro 4 de Gasquet. Gasquet, tout à fait, il était 16ème. C'est la première saison où. Ça commence à se compliquer. Justement, par rapport à ce Monte Carlo, c'est là où il se fait. Ouais, d'accord. Où on le découvre. Donc, vous avez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Vous avez encore deux joueurs en activité. Ouais. Deux joueurs en activité. Et vous avez. Attends, parce que. C'est à Yacine. Ouais, c'est à moi, je pensais que oui, c'était Dimitri. Non, J'ai peur. Tu peux. J'ai envie de me risquer, mais. J'ai peur aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait Marat Safin? Il y avait Marat Safin. Ah, bien joué. Marat Safin gagne l'Open d'Australie cette année-là face à Leighton Hewitt, justement. Mais vous êtes bons, les gars. Bravo. J'ai une hésitation. Donc il y en a encore deux en activité, dont un quand même. Bah oui, je il y en a un qu'on n'a pas donné, mais. Il y en a un qu'on n'a pas donné, enfin que vous avez pas donné. Bah, il y a Rafa. Oh, punaise. Tout à fait. Oh, donc, Vincent, fallait pas le dire. Bah, j'avais déjà pensé. T'as dit, non, mais je pense que c'est bien pour enchaîner. Fallait pas le dire. Bon, par contre, lui, je l'oreille vraiment beaucoup, j'ai plus envie de voir son nom. Il était là trop souvent. Voilà. Putain, attends. Donc il y reste un joueur en activité. Il reste, alors qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Il reste une légende de ce sport quand même, autre que Roger et Nadal. Bien sûr. C'est peut-être tard. Agassi. Si. Bah oui, c'est celui que je voulais donner aussi. Agassi. Ah oui. Oh, j'en ai mon stock là. Est-ce qu'il y a... Alors attendez, un petit indice encore. Il y a les deux vainqueurs de Roland Garros avant Nadal. Ça peut vous aider. Ah si, ouais, j'ai. Bah c'est bien. Comment ça t'a? Est-ce qu'il y a est-ce que Leighton Hewitt y était? Je l'ai déjà on dit. On l'a déjà dit Leighton Hewitt. C'est le premier que je donnais. Est-ce que... Alors tu t'étais ok. Ah non. Davidenko. Davidenko on l'a dit aussi. Ah mince. Il a du bacon de Roland Garros. Nalbandian. David Nalbandian, tout à fait. Ok, elle est belle. Joli. David Nalbandian qui gagne le Masters cette année-là. Face à Roger en 5-7. Vite les gars, on essaie de faire vite parce qu'il y a un agenda après à faire rapidement. J'avais un autre espagnol en activité, mais je suis pas sûr qu'il était en activité. Vas-y. J'ai peut-être perdu là-dessus. David Ferrer. Ouais, David Ferrer, il y était. David Ferrer, il y était. Bravo les gars. Et du coup, l'ancien vainqueur, c'est Montoya ? Ah, il s'est trompé. Montoya, c'est plutôt la voiture. Il m'a aiguillé du coup. Ouais, non, c'est cadeau ça, je sais qui c'est. Non, si, c'est l'Argentin. Et là, il y a. Merde, c'est pas Montoya ? Mince, comprenez-moi les mecs. Est-ce que tu veux dire Carlos Moya? T'es en train de vite. Ah non, sinon tu le donnais. Sinon il me donnait. Tu veux dire Carlos Moya? Oui, mais oui, je te prouve. Carlos Moya n'y était pas. Tu es éliminé. D'accord. Donc il en reste combien? Donc il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 10. Pas d'autres indices? Bah, donc toujours ces deux vainqueurs de Roland Garros avant Nadal, donc 2003-2004. Oh, putain, vous avez. C'est pas Montoya, l'Argentin. Moya. Non mais l'Argentin qui a gagné juste avant Nadal en 2004. Ah ben bah, il y est mais justement. Mais c'est pas Montoya alors. C'est... Donc, c'est est-ce, Montoya. Que, est-ce que alors, est-ce et donc c'est... et donc vous avez un entraîneur dont on a parlé, qui un joueur qui est entraîneur actuellement dont on a parlé il y a peu, et un autre entraîneur, un autre très grand entraîneur, très très grand entraîneur actuellement. Il entraîne un très grand joueur. Ljubicic. Oh putain, bien joué. Là, je suis pas bien. Ivan Ljubicic. Là, je suis pas bien. J'avais vu. Donc, deux vainqueurs de Roland Garros. Un entraîneur qui a été limogé il y a pas très longtemps. Non, c'est... Il y a encore un vainqueur de l'Open d'Australie. Oh, j'ai un trou. Il est le finaliste des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Merci. Il va d'abord. Alors je crois que je l'ai atteint. Je me rappelle. Du coup, Paul, tu Paul, t'es éliminé. Ouais, je suis éliminé, je sais. Ouais. Oui, je sais. Merci Vincent de me le rappeler. Je suis désolé. Je vais finir bon dernier de ce quiz. Mais écoute, je te mettrai un point parce que t'as dit Roger. C'est là. Par contre. Ouais. Du coup, Romain. J'ai plus rien. Du au pif. C'est contre Nadal, il gagne contre. Comment il s'appelle là? Mais il est pas le. Si, le. Comment il s'appelle? Le classe touffe là. Montoya? Non. Parle de Guga, de Guga. Je sais plus. Je parle de Guga. Ouais, non, Guga. Je veux dire Cuevas, mais sans. Non, Cuevas, non, il y est pas. C'était plus tard. Yacine, pour confirmer ta victoire. Oui, non, mais oui, j'ai gagné là. Non, tu dois parce que. Il a commencé en premier, donc. Ah ouais, non, tu dois en donner un. Ah! Sinon. Confirme. Sinon, on est que c'est cool dans cette histoire. Mais bon, t'avais un point d'avance, donc. Parce que je vois très bien qui est le. Je crois qu'il est chilien, celui qui perd en 2008 en simple, et le souci, c'est que son nom me revient plus. Ah, oui, après, encore en espagnol aussi. Après t'en as d'autres, hein, j'ai vainqueur de Roland Garros 2003, vainqueur de Roland Garros 2004. J'ai un autre espagnol. Vas-y, en tête. Bah attends, Romain, il peut le dire. Si, là, le sien. Un ancien. Mais j'ai plus le droit. Ah oui, c'est vrai, t'as dit non. Je vais dire, Après, s'il trouve pas. Ivan Ivanišević. Goran Ivanišević. Non. Non, je sais que. Mais du coup. Ouais, s'il y en a un, je vous dis. Non, j'ai le point. Non, j'ai le point. Mais en plus, on n'a pas le temps, les gars. Il faut faire la moi, j'en avais un, mais je le donne. Vas-y. Il y avait Tommy Robredo, non? Tommy Robredo, il était. Donc, il y avait Tommy Robredo. Donc, il y avait Guillermo Coria. Ah. Donc, un espagnol. Il y avait Gaston Gaudio. Ouais, oui, l'Argentin qui gagne face à Correa. Donc tout, voilà, il y avait Fernando González, Yacine, ouais, Thomas Johansson, le vainqueur de l'Open d'Australie 2001 ou 2002. Johansson. Ouais, Thomas Johansson, pardon. Robbie Ginepri qui fait demi-finale à l'US Open cette année-là. Je connais pas du tout. Le vainqueur de Roland Garros 2003, Juan Carlos Ferrero. Ferrero. Ah, C'est le premier tennisman que j'ai apprécié. C'est vrai, bah c'est bien. J'ai commencé le tennis avec Ferrero. Un que même moi j'aurais pas retrouvé très honnêtement, c'était Dominic Arbati. Qui fait finale, finale à Bercy cette année-là. Et le dernier, donc un entraîneur qui a été limogé il y a pas longtemps, Radek Stepanek, qui était le coach Stepanek. De Djoko. Du coup, j'ai le point. Mais du coup, tu n'as pas le point. Il y a match nul entre toi et Dimitri. Très bien. Voilà, vous avez gagné le quiz tous les deux. Très bien. Bah, mais félicitations. Mais bah, merci. En tout cas, on aura donné plein de noms pour prendre aucun point. C'est ça. C'est ça. Mais félicitations à tous parce qu'il était dur quand même. Ouais. Très bien. Donc, ça sera le mot de la fin du quiz. On enchaîne rapidement avec l'agenda. Alors, pour le football, les demi-finales allées de Ligue des Champions. Alors, demain, Liverpool-Roma et mercredi, Bayern-Real. Pour les matchs du week-end, alors pour le championnat français, il y aura un Lyon-Nantes ou encore un Montpellier-Saint-Etienne vendredi. pour les championnats étrangers, un choc entre Manchester et Arsenal, ou encore un Inter-Juventus. J'oubliais également les demi-finales aller de Ligue Europa qui se dérouleront jeudi entre Arsenal et l'Atlético et Marseille et le Red Bull Salzbourg. Et donc pour le handball, alors il n'y a pas de championnat, il y aura que deux matchs qui opposeront, je crois, Ivry à Aix, et donc l'autre je l'ai oublié, je suis désolé. Le quart de finale retour qui se dérouleront aussi la semaine prochaine entre Skjern. C'est ça le plus important. Voilà, entre Skjern et Nantes, Montpellier-Flensbourg, Paris et Kielce et Werder et Kiel. Donc voilà pour le hand et pour le football. Est-ce que vous avez d'autres échéances à venir pour les sports? Ce soir, j'ai les matchs 4 de Minnesota contre Houston et Utah contre OKC. Très bien. Ouais, pour le tennis, tournoi de Bucarest, dont Lucas Pouille est tenant du titre. Richard Gasquet sera présent aussi. Et un 500 à Barcelone. Donc gros tableau avec Nadal, Team Djokovic. Et puis d'autres joueurs, voilà. Très bien, moins intéressant. Au rugby, 25e journée, avant dernière journée du top 14. Des belles affiches, j'ai Toulon-Castres, Montpellier reçoit Pau. Montpellier, s'il gagne, est assuré de terminer en tête de top 14 de la phase régulière. Paris-Brive dans le match de la peur. Et puis le lendemain, je crois que j'ai un Stade Toulousain-La Rochelle qui est assez intéressant. Et après, il y a les demi-finales de Pro D2 entre Grenoble et... Montauban, Biarritz. Grenoble et ensuite Perpignan-Montmartre. C'est ça. Et donc pour finir, Romain. Et pour finir, deux autres sports pour clore cet agenda avec le cyclisme, le Tour de Romandie, qui permet donc de faire la bascule des classiques vers les grands tours et en l'occurrence la préparation au Giro d'Italia. Et le volley dont je devais parler dans les résultats, mais on a un petit peu exagéré sur les résultats, donc nous n'avions pas le temps, avec les demi-finales retour entre respectivement Chaumont et Paris. Chaumont et Paris, Paris tombeur de Montpellier. Je me permets pour faire mon coup de cœur quand même à Jean-Patry et sa grande saison pour le Mavuc, qui est passé pas loin de la qualif contre Paris. Et l'autre demi-finale entre Chaumont et Ajaccio, donc ce sera les retours, donc logiquement sur les autres parquets, à savoir que ces deux premiers matchs étaient scorés sur des scores de 3-2 et des victoires au tie-break, alors que les favoris Tours et Chaumont menaient de 7-0. Chaumont est le tenant du titre, donc à voir si on va voir le classique de ces dernières saisons Tours-Chaumont ou si Paris ou Ajaccio vont se mêler à la lutte pour la finale de Ligue A. Très bien. Alors, en une minute, très rapidement, est-ce que vous avez en tête un pronostic sur un match précis ou pas pour la semaine à venir? Vincent parlait tout à l'heure de Montpellier-Flensbourg. Oui, donc très bien, on va partir sur ça. Alors, très rapidement, tour de table, Montpellier-Flensbourg, ton pronostic? Victoire de Montpellier. On fait qualification. Très bien. Je pense qu'on va tous dire victoire. Peut-être donner un plus. L'écart. Ah, t'es vache, toi. Il se mange du quiz. Oui. L'écart. Comme ça, on a tous un point au moins. Ouais. Allez, plus 3. Plus 3. Très bien, plus 3 pour Vincent. 33-30, comme ça, on aura gagné tout le match 33-30. Très bien, victoire pour toi aussi, Romain. Victoire, qualif, forcément, au vu du match nul de l'aller. Et plus 2, allez. Plus 2. Très bien. Victoire, plus 2 aussi pour moi. Plus 2 également pour Paul et pour Dimitri. Plus 2. Plus 2 aussi, très bien. Ça ne va pas amener à se mouiller beaucoup plus que ça. Et bien moi, je vais mouiller, je vais dire plus 5. Merci Yacine. Voilà. Bien Yacine. Et une place mais tout le monde reste bien Montpellier. Exactement, bien. Mais je pense qu'on va se qualifier, en tout cas j'espère, et ça serait énorme pour le 4. Club. Un plus 4. Très bien, allez, on va modifier comme pour ça, Paul. 3, 4, 5. Putain, on se croira au Uno, quoi. C'était les mots de la fin. En tout cas, merci. Plus 4. En tout cas, merci à vous de 4 pour votre participation ce soir. Merci à toi. Est-ce qu'on peut faire une petite dédicace à Flo, quand même? Très rapidement, une dédicace à Flo, évidemment, qui nous écoute sûrement, ou qui nous écoutera s'il n'a pas pu ce soir. Dédicace à tous les chillers en général, dédicace à tous les auditeurs. Merci à tous, merci à l'animation, merci à la régie, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sport & Chill. Merci. Salut à tous. Bonne semaine. Et il est parti, Julien Alaphilippe. Et c'est plus dur pour Bardet. Regardez Van Endert, là, qui emmène Alaphilippe dans sa roue. Et Valverde qui coince, on dirait. Valverde qui est en retrait. Est-ce que c'est du bluff? Pas sûr. Allez, Julien, c'est ta chance, Julien. Allez, Julien, allez, c'est bien. Il faut y aller, Julien Alaphilippe, dans la roue. Y aller, Van Endert. C'est peut-être ton jour, Julien, pour aller chercher la Flèche Wallonne. Cette course qu'il fait tant rêver dans ses Ardennaises. Valverde les mains en bas. Valverde n'est pas bien, Valverde non. Qui n'est pas bien, ça y est, Julien qui va le faire. Qui produit il va son le effet faire. Julien Alaphilippe qui va aller chercher, qui est bien calé dans la route, c'est parti. Il va le faire. Allez, allez Julien, c'est dans les moments plus durs. Il s'est préparé pour chapeau. Cette course, il en rêvait. Julien Alaphilippe qui va y aller. Oui, allez Julien, tu vas le faire. Attention, attention à Valverde qui est en train de revenir. Il ne faut pas se retourner, Julien. Il faut continuer, il faut résister à la souffrance. Oui, Julien Alaphilippe qui va le faire. Oui, Julien Alaphilippe. qui va remporter la Flèche Wallonne, la première classique de sa carrière. Bravo. À 25 ans. Ça y est, c'est fait. Julien Alaphilippe qui s'impose ici au sommet du mur de Huy. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.